Bienvenue dans Le Feu, l'émission au coin du feu mais sans cheminée. Dans Le Feu, on parle de cinéma, de musique, d'actualité, de politique entre amis. Installez-vous confortablement, n'hésitez pas à partir quand vous vous ennuyez, rien ne sert de vous forcer à rester près du feu. Vous écoutez Le Feu, l'émission, bienvenue. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Le monde se divise en deux catégories, ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre. Si nous avons affaire à des Chinois de Chine, ça ne marche plus. Allô ? Un hectare, c'est quoi ? Bon, c'est un hectare. Bonsoir, bienvenue sur Le Feu, le cast. Bon, alors première émission, donc un nombre de viewers assez effarant, je ne sais même pas où c'est affiché, donc ça va être rapide. Ça aide, parce qu'il y a le screen devant. Le principe de l'émission, ça va être simple, ça va être tout simplement... De vous présenter un schéma, un thème classique avec des invités exceptionnels en tournée dans toute la France actuellement. Non, le but c'est juste de faire un petit peu des jeux entre potes, on va parler d'actu après. Il y a plutôt une partie, voilà, comme je disais, jeu après une partie discussion. Donc on va essayer de divertir les gens et de nous divertir parce que c'est principalement le but de cette soirée. Je vais les laisser se présenter individuellement, un par un, chacun leur tour, à tour de rôle, à la queue leu-leu, sans attendre. Voilà. Thibaut, toi l'honneur. Oui. Salut Thibaut, Thibaut qui est ici. Qu'est-ce que tu veux dire, Thibaut. Ouais, c'est Thibaut. J'ai été invité par Léo et Will pour cette petite soirée sympathique. Pour la première émission. Le prime time. Il en fallait bien une, hein. Claudia, à ton tour. Moi, c'est Claudia, planète suivante sur Instagram. Sur Internet. Allez la suivre. Et moi, je sais pas trop ce qui nous attend, mais grave hâte de m'amuser. Voilà. C'était des petits jeux, apparemment. On nous a un peu teasé, mais pas trop. C'est bien. Voilà. Et bah, moi, c'est Léopold, du coup, le co-créateur de cette émission avec Willem. Donc, on a travaillé là, pendant deux jours un peu à fond dessus. Moi, je suis au chômage, donc ça a aidé. Donc, c'est un début, donc c'est pas hyper pro, mais voilà, on va s'améliorer au fur et à mesure. Puis on va vous lancer des petits jeux, des petites émissions, et ça va être sympa. Donc j'espère que vous serez là pour nous regarder. Voilà. En soi, la présentation des personnages, enfin des invités, c'est important, mais surtout pour expliquer le jeu, c'est surtout important pour vous deux, parce que c'est vous deux qui allez surtout participer. Eux, ils s'en branlent. Enfin, je dis eux, mais les potentielles personnes s'en fichent. Donc c'est pas un problème. Donc moi c'est Willem, j'ai co-créé le jeu avec Léopold, enfin le jeu, l'émission. C'est parce que c'est... Ouais, voilà, j'ai rien à rajouter, mais ça se trouve ça a vraiment pas du tout marché, mais je pense que ça peut être sympa, on avait déjà fait des jeux un peu similaires en local. Au pire, en local. Y a 3 viewers. C'est ça. Histoire de passer un bon moment. En fait voilà, le but c'est d'avoir une raison d'inviter des gens pour passer un bon moment. Et manger des pâtes carbo. Ouais, ça c'est off. Donc, ça c'est fait. Ok, bon, très bien. Bah écoutez, on va déjà vous expliquer un petit peu. Pour chaque thème, un jingle. Allez, c'est parti. Jingle. Jingle, ouais, vas-y, on commence. Jingle, première partie. Eddy Malou. EDDYMALOU. Branleur. BRANLEURS. Cochonne. COCHO2NES. Avec enculage au pluriel. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Ok, donc pour ce QCM sur l'actualité, ça va être assez simple. Alors, quand j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit que c'était du burger quiz, tout craché et tout, donc c'est très bien, ça veut dire que c'est une bonne idée. Le principe est assez simple, je vais avoir trois phrases d'actualité, trois actualités, il y en a une seule qui sera vraie, okay, les deux autres sont totalement inventées, sont pas du tout réelles, ou alors ont dû se passer, mais sont vraiment pas arrivées dernièrement. Votre but, ça va être de trouver laquelle est juste, tout simplement. Okay. C'est ok pour vous ? On est en équipe ou vous êtes l'un contre l'autre ? L'un contre l'autre, voilà, c'est votre avis. Donc vous et pas... Léopold joue ? Non, Léopold joue pas, il connaît les réponses. D'accord. Peut-être pas toutes. Si jamais tu te souviens plus, tu pourras donner ton avis. Mais moi, je m'en rappelle plus trop. Après les deux autres. Je m'en rappelle plus trop. Donc, est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Ok, parfait. Première actualité, vrai ou faux ? Aux États-Unis, une femme simule une maladie pour avoir un meilleur siège dans l'avion. C'est possible. Attentive. Elle économise l'équivalent de 12 000 $ de coupons de réduction par an. 3. L'aérodrome du Finistère fermé à cause du trop grand nombre de mouettes. Le dernier, il est énorme. Il faut trouver la fausse. Il faut trouver la bonne. La bonne. Okay. La deuxième, est-ce que tu peux répéter ? Je vais tout répéter. Aux États-Unis, une femme simule une maladie pour avoir un meilleur siège dans l'avion. 2. attentive, elle économise l'équivalent de 12 000 $ en coupons de réduction par an. L'aérodrome du Finistère fermé à cause d'un trop grand nombre de mouettes. Trop grand nombre de mouettes. Moi, je pense que je prends la 1. Ouais, la 1 ? Ouais. C'est tellement... que j'ai déjà entendu. Moi, j'ai pas entendu, mais après, j'ai entendu les deux autres aussi. La deuxième, je l'ai entendu, mais peut-être pas avec ce montant aussi énorme. Et la troisième, j'ai jamais entendu et ça me semble absurde, mais c'est la troisième qui est vraie. Oh putain. Non, c'est aux États-Unis, une femme simule une maladie. Ouais. Pour un siège dans la jeté. Bravo, félicitations. Je m'étais planté, moi. Quand ouais, je t'étais planté. Il a mis Finistère. Il a mis Finistère, je me suis dit, ah, c'est trop énorme. En fait, dites-vous que c'est possible parce que pendant une des patrouilles de la Patrouille de France, une des présentations de la Patrouille de France il y a une dizaine d'années de ça, en Bretagne, il y a un des avions de la patrouille qui a dû faire demi-tour, rentrer au stand, enfin à l'aéroport, aérodrome, parce qu'il y avait une mouette qui était rentrée dans le réacteur. Et c'est des trucs qui arrivent fréquemment et c'est une hantise. Bah oui, c'est ça. Mais donc c'est vraiment, c'est une hantise chez les pilotes et chez aussi les spectateurs forcément. Et attentive, elle économise l'équivalent de 12 000 $ de coupons de réduction. Ça, je l'ai vraiment inventé. Il y a rien, j'ai jamais rien vu. Enfin, j'ai pas eu de. Il y a certains rats. Il y a certains. Non, mais voilà, je pense que c'est possible. Mais en tout cas, c'était pas le truc de l'actualité. Le dernier truc, c'était aux États-Unis, une femme simule une maladie pour avoir un meilleur siège dans l'avion. Donc voilà. Et ça a marché, hein, ça a marché. Elle a simulé, je sais plus, un malaise vagal, je crois. Donc, bravo à elle. On continue pour les trois actus. Islande, la chaîne d'info principale hackée pendant 20 minutes pour y diffuser des photomontages du président actuel. Texas, énervé par un élève, un professeur de chimie lui demande de pratiquer une expérience dangereuse. Troisième, Sharon Stone se fait bloquer sur un site de rencontre, son profil était pourtant bien réel. Oh putain. J'ai envie de dire la troisième juste parce que ça serait... Tu peux répéter la une ? Islande, la chaîne d'info principale hackée pendant 20 minutes pour y diffuser des photomontages du président. 2. Texas, énervé par un élève, un professeur de chimie lui demande de pratiquer une expérience dangereuse. Putain, c'est la 2 ou la 3. Et 3. Sharon Stone se fait bloquer sur un site de rencontre, son profil était pourtant bien réel. La 3 direct. La 2, allez. La 2 pour le Texas énervé par un élève. Ouais. Et c'était Sharon Stone qui s'est fait bloquer. Et ouais, Sharon Stone était sur un site de rencontre américain. Et donc son profil a été bloqué, passé pour forcément pour un faux, voilà, un fake account. Donc, pardon, je viens de recevoir un message drôle. D'accord, tu veux nous le partager ? Ouais, on me demande si je fais vraiment 1m60. Ça marche. C'est sur quelle application qu'on me demande ça ? Twitter, c'est terrible. Écoute, très bien. Et c'est vrai du coup ? Donc ouais, bah oui. Bah génial, écoute. J'ai pas menti, hein. C'est parfait. Je fais vraiment 1m60. Est-ce que vous êtes prêts ? Il y en a encore beaucoup, ça a duré longtemps. Bon, je rigole. Chine, à 67 ans, cette femme devient la plus vieille jeune maman. Espagne, un gardien se lie d'amitié avec un détenu. Il se fait passer pour lui pour le libérer. Après un excès de vitesse, il se fait arrêter par son fils disparu 11 ans auparavant. Je vais vous reformuler, c'était deux différentes la fin, j'ai mal géré l'intonation. D'accord. Chine, à 67 ans, elle devient elle devient la plus vieille jeune maman. 2. Espagne, un gardien se lie d'amitié avec un détenu, il se fait passer pour lui pour le libérer. Et 3. Après un excès de vitesse, il se fait arrêter, 3 petits points, par son fils porté disparu 11 ans auparavant. C'est moins fun ça. Ouais, y a pas que les trucs fun, hein. C'est la 3. La troisième, pour toi, moi je partirai sur la première. Donc. Ok. La 3 ? Ouais. 3-1. 3-1. Et c'est la première. Bien joué, Chine, à 67 ans. Cette femme devient la plus vieille jeune maman. Voilà, donc je sais pas comment c'est possible. Mais c'est non assistée, non ? La plus vieille c'est jeune maman. Ouais, non assistée. Mais après, c'est la plus vieille jeune maman, comment dire, référencée. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a eu. Ah, d'accord, je sais pas, parce qu'à ménopause, c'est à la cinquantaine. Voilà, mais ça, c'est non assistée, enfin, sans intervention de l'homme, entre guillemets, genre chimie. Il y a forcément une intervention de l'homme à un moment, c'est ce que je veux dire. Mais pas pour. Voilà. Donc bravo Thibaut, t'es sur un centre, je crois, non ? Oui, pardon. Bravo, quel homme. Ah. Tu repartiras en voiture. C'est mieux prévu pour le moment. Pour l'instant, ouais. Tu fais le verre ? Ouais, vas-y. On continue. Si vous voulez, je peux aussi avoir des infos supplémentaires sur le fact qu'Everest, si ça vous intéresse, hein, vous n'hésitez pas à me le dire. Ok. Je continue. Une base militaire canadienne envahie par des joueurs de Pokémon Go. 2. Italie, Sergio Mattarella instaure une taxe sur les plats végétariens. 3. Lille, elle reste enfermée dans les toilettes d'un bar après sa fermeture pendant 2 jours. Hardcore. La 1. Ouais, la 1 aussi. Pokémon la 1, Go. Une base militaire canadienne envahie par le joueur de Pokémon Go. Ah bien joué. Ah c'est la seule que j'avais réussi, moi. Ouais, bien joué. Putain, je suis dégoûté. T'es dégoûté qu'on ait gagné ? Bah ouais, ouais, mon but c'est que vous tombiez dans le panneau, tu vois. Mince, dommage. Je pensais que l'Italie ça allait vous. Mais en même temps, j'ai voulu taxer les plats végétariens. Ça, je me dis, parce que c'est vraiment un connard, donc je me dis, il y a moyen que ça passe. C'est qui maintenant d'ailleurs ? C'est lui, c'est Sergio Mattarella actuellement, ouais. Pourquoi qu'on a des commentaires Regarde, il y a Coucou Claudie. Coucou Claudie. Oh, adorable, c'est où ? Qui parle du micro Je suis genre. Pardon. Je suis genre. C'est qui ? Faut que je me rapproche, mais en fait, après, j'ai noté c'est mes réponses. Starf. Ça, c'est Lucas. La ouais, c'est sûr, c'est Starf. Sûr. Continuons, jeunes enfants. Adorable. La barbe d'un. Donc là, c'est les trois sont. Encore deux spectateurs. Les trois sont sur le thème de Noël. Voilà, j'ai essayé de. Ok. De trois trucs. 1. La barbe d'un vieil homme norvégien connu comme étant le vrai Père Noël s'est vendue 280 000 dollars. Il distribue aux passants des billets volés à la banque en criant Joyeux Noël. Casse des papels. Disneyland, Californie, la parade de Noël annulée car le Père Noël était totalement drogué. Alors, j'aimerais tellement que ce soit la troisième, mais c'est la deuxième. Je répète ou pas ? Non, c'est bon, Bon. Moi ça va, mais je ne sais pas jouer la clé par contre. J'aimerais tellement que ce soit la troisième, ce serait tellement bien. Le Père Noël drogué. Et la deux, c'est il distribue dans la rue, et les premières, la première, c'est la barbe d'un vieil homme norvégien. La barbe, vas-y, on part la barbe, sur la barbe, ouais. Putain, il est fort, ouais, il est fort. Il distribue au passant. Il a fait ça pour le délire et ça a marché. C'est sûr, le gars, c'est un fake faker. Ouais, tout ça, ouais, des ouf. Non, mais pour le coup, c'est pas chance, c'est juste que là, c'est que des actions, mais je crois que j'ai déjà. Tu les as toutes vues ? Ah, c'est terrible. Putain, pourtant, j'allais chercher loin et tout. J'ai croisé les sources et tout. Ouais, c'est tout récent. Ça a bassé Noël, donc c'était vraiment les actus du 25-26. Thibaut, il regarde que l'actu. Il regarde 20 minutes pour une fois. Ce qui se passe sur la planète, il s'en fout, mais vraiment le truc insolite. C'est ça. J'ai vraiment tapé ça en plus. J'ai vraiment tapé actualité insolite. J'ai eu les liens de 20 minutes de Le Point. Putain, bien joué. Franchement, bravo. Donc écoutez, on a fini pour ce parti QCM. Ok, trop bien. Donc bravo, félicitations. On passe à la deuxième partie. On passe à la deuxième partie. C'est parti. Et votre femme également. Mais voilà, on est entre potes et sans potes. Sortez le carnet de chèques. Merci. J'aime pas les étrangers. Ils viennent manger le pain des Français. Je ne suis pas raciste. Donc, pour cette deuxième partie, c'est le jeu qui s'appelle PDG, politicien ou humoriste. On m'a également fait la remarque que ça ressemble à Burger Quiz, donc bon, c'est génial. On n'a jamais regardé. J'ai jamais regardé un épisode de Burger Quiz, pourtant j'adore Chabat, mais non, jamais. Donc, le but du jeu, je pense que vous l'avez compris, ou pas, je sais pas, il y a une phrase, une citation d'une interview, d'un passage vidéo ou audio d'une personne, et c'est à vous de deviner si ça vient d'un PDG, d'un politicien ou d'un humoriste, ok ? Donc parfois, alors par exemple, je donnerai des détails plus tard, mais parfois ça peut être très serré, donc il faudra donner le statut actuel de la personne, hein. Actuellement. On va commencer directement avec une des plus faciles, entre guillemets. Le monde serait meilleur avec Hussein et Kadhafi. PDG, politicien ou humoriste ? J'espère que c'est un humoriste. Claudia. Le monde serait meilleur avec Hussein et Kadhafi. Politicien, vas-y. Il y a des tarés. Politicien, mais ça, il n'est pas très connu, c'est Trump. J'aurais été sûr. Donc, tu m'aurais demandé qui ? Donc, bien joué. Donc, ouais, mais après, voilà, donc là, je reviens pour recontextualiser le but. C'était un ancien PDG. Et il est tellement con qu'on peut dire que c'est un humoriste. Donc vraiment, lui, il prend les trois, mais on va dire c'est actuel politicien. Donc voilà. Il est fort. Il va être élu. Alors, la suivante. C'est plus marrant d'être un pirate que de s'engager dans la marine. PDG, politicien ou humoriste ? PDG, humoriste. C'est PDG. C'est Steve Jobs qui a dit ça. Bravo. Suivant. On crée des émissions de merde pour que les gens les regardent tout en se révoltant qu'elles existent. PDG, politicien ou humoriste ? Humoriste. Politicien. Et c'était humoriste, bien joué. J'ai l'impression que c'est la question pour un champion. Mais est-ce qu'on compte les points ? Non, comme vous voulez. Voilà, on va dire que Thibaut a gagné le premier jeu la main. Ouais, c'était Blanche Gardin qui a dit ça. Blanche Gardin, donc une humoriste un peu trash parfois, mais très drôle, j'aime beaucoup. Suivant. Dans cette équipe de football, il y a 9 blacks sur 11. La normalité serait qu'il y en ait 3 ou 4. PDG, politicien ou humoriste? PDG. Moi j'ai politicien. Et c'était... J'ai perdu. C'était politicien. Bien joué. Et c'est Georges Frêche, feu Georges Frêche, un politicien français. Je ne sais même pas quelle position il exerçait au pouvoir, enfin au pouvoir, si, au gouvernement. Il était quoi? Si, il l'a été. Si, je pense qu'il l'a été, non? Je sais plus. Ouais, bon, peut-être. Ah. Bah, après, avec des phrases comme ça, il y a... Oh, remarque, tu sais, la France, on a quand même des belles casseroles. Hein. Bon, en tout cas, c'est Georges Frêche, donc politicien. Bien joué, mon titi. Quand je vois Sarko et Obama, j'ai l'impression de voir un Playmobil et une star du basket. Oh putain, qui c'est qui avait dit ça? Mon dieu, c'est incroyable. PDG, politicien, humoriste. Humoriste? Moi, je dirais toujours politicien. Politicien? C'était Nicolas Canteloup. Humoriste. Yes! Dommage. Mais bien joué, Claudie. C'est. Mais voilà, le but étant que là, le piège, c'était vraiment de mettre une phrase. C'est toi qui l'as trouvé celle-là? C'est moi? Ah oui, c'est vrai. Pardon. Mais non, bah, celle-là, elle avait vraiment pour but de justement faire croire que c'était politique. Forcément. C'est un peu long celle-là. Elle a des cheveux teints blonds, des lèvres boudeuses et un regard bleu acier comme une infirmière sadique d'un hôpital psychiatrique. Et si Bill Clinton peut gérer Hillary, il peut sans doute gérer n'importe quelle crise mondiale. PDG, politicien ou humoriste? PDG pour moi. Je dirais politicien. C'est Boris Johnson, l'actuel Premier ministre des English. Il faut savoir après que cette déclaration a été faite en 2007, donc ça remonte un peu, mais c'est quand même plus ou moins d'actualité vu que Boris Johnson a été élu. Donc c'est terrible. Et ça, c'est Alban en violet. Ah, heureusement, on a le fameux d'histoire. Comment on aurait pu... Ouais, ils vont parler par truc interposé. Oh là là, le chat défile trop vite. Vous pouvez poser des questions si vous voulez. On vous répondra. Ouais, on vous lit. Avec tous ces followers, on sait plus où donner de la tête. On est waouh. Oh là là, viewers, on n'arrive pas à lire. On n'arrive pas à lire les messages. Ça va trop vite. Ça défile trop vite, c'est terrible. Bon, bien joué. Je crois que Claudie, t'es pas trop mal là. C'est qui l'a remporté celui-là? C'est Claudie, oui. Ouais. Suivant. À propos, donc là c'est une personne parlant de la chancelière allemande Angela Merkel. Angela. La citation est, attention, je vais me faire bannir, un gros cul imbaisable. C'est Trump pour moi, c'est un politique. C'est obligé. Politicien, PDG, je vais dire SDF. Politicien, PDG ou humoriste. Politicien. Et ce n'est pas Trump, mais c'est bien un politicien. C'est notre bon Silvio Berlusconi, pardon, l'ancien président d'Italie. C'était donc, c'est dans le trio, c'est le trio infernal, des bouffons. tu vas faire quoi, Silvio? Tu vas faire quoi? Bref. Il est sur le live. C'est ça, tu vois un message. Silvio. Validé et tout. Bon, bref. Et dernière citation. Moi, je ne travaille pas l'océan en bateau. Oula, j'ai mal lu. L'aveu. Moi, je ne traverse pas l'océan en bateau pendant que mes gardes du corps passent en avion. Effectivement. Qui a dit ça? Un PDG, politicien ou humoriste? C'est un politicien. J'aurais tendance à dire aussi politicien. Politicien? Et bah vous avez tous les deux faux pour une fois, c'était PDG, le PDG de Total. Je ne connais pas du tout son nom. Mais lui, par exemple, quand tu dis PDG, genre Steve Jobs ou Total, il le dit où? Il le dit en. Il le dit en conférence, ou alors c'est des citations d'interview. Le mec, il a besoin de Twitter, il a fait. Alors, je trouve que les gens qui travaillent. Non, mais ça il avait dit à l'Assemblée. Oui, Trump pensait. Nous, là, on a que des citations orales, mais on aurait très bien pu prendre des tweets ou des citations d'un livre que l'un des. De ceux-là. Qui dit? On gagne quoi? Mais reconnaître, non. Une très bonne pâte de fruits. C'est ça. À venir chercher ici. Ah oui. Au citron. Voilà, au citron. Au citron. Pas au gingembre. Non. Voilà, donc un régal. Ça nous empoisonner. Donc voilà, qu'est-ce que vous retenez de ces citations de nos dirigeants des personnes qui lead ce monde. Réalité, c'est sérieux. C'est terrible. Hein. Dites-vous, il y avait deux humoristes seulement dans la citation. C'est ça qu'il faut se dire. C'est trop triste. C'est ça qui est triste. Ouais. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 citations. Il n'y a que deux humoristes dans le lot. Et je pense que c'est carrément pas les plus trash. Ouais. Donc, assez étonnant. D'ailleurs, l'Italie et les États-Unis sont assez haut level, on va pas se mentir. Donc voilà, assez triste. Ah, j'en ai un dernier, putain, pardon, mais on l'a pas mis. Non, mais fais pas. On le met pas? J'ai pas l'extrait, ça sera pour le prochain épisode. Ouais, ça sera pour le prochain épisode. À la demande des viewers. Mais là, vu comment ça s'enflamme. Vu comment ça s'enflamme. Il veut être invité, peut-être, si vous voulez être invité, n'hésitez pas à envoyer un message à William et Léopold. C'est pas gratuit. Alors, écoutez, est-ce que ce jeu déjà vous a plu? Ouais, c'est cool. Rapide, c'est cool, c'est chill, c'est ouais, bien. Ouais, c'est chillax. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, des anecdotes ou des citations que vous avez entendues de politiciens, de PDG ou d'humoristes? Enfin, ce qui vous a choqué de PDG, de... Les tweets de Trump, il y en a tellement. Ouais, c'est ça. C'est ouais, ça. C'est ça. Ouais, donc ouais. On est d'accord. Je pense qu'on est sur le génie. Là, le ultime. Ouais. Le génie. Moi, je suis toujours dans l'indécision du est-ce qu'il fait vraiment exprès ou alors est-ce que c'est... On va construire un mur et c'est eux qui m'ont payé. Je l'ai toujours dans la décision. C'est terrible. C'est ça. Donc bon, heureusement... C'est la pire, je crois. Heureusement que c'est pas des gens importants, ouais. Parce que sinon t'imagines la galère. Heureusement qu'il a qu'un petit pays, qu'il a pas beaucoup d'argent, qu'il a pas trop d'influence. Heureusement qu'il a une petite armée. Une petite armée. C'est rassurant. Il n'y a pas la bombe nucléaire en plus. Heureusement que la guerre mondiale pour ce pays-là, ça ne serait pas du tout avantageux. Aïe, aïe, aïe. On passe à... On peut passer au troisième partie. Combien ça coûte? Vas-y. Combien coûte un pain au chocolat? Je suis pauvre, pour pas toi-même tu es pauvre. Parce que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros peut-être. Oh là! Je suis pauvre, pour pas toi-même tu es pauvre. Vous nous dire combien coûte un ticket de métro? 4 euros et quelques. C'était 1,70€, madame Nathalie Cossu-Comorizet. Ouais. Eh oui, c'est terrible. Bon, sur combien ça coûte, c'est... bon, ça va à peu près tout dire le titre. C'est un peu le même jeu qu'on avait pu faire, tu te souviens? Ouais, parce qu'on fait beaucoup de soirées-jeux. Ouais, on fait beaucoup de soirées-jeux parce qu'on on est très ludique. On était friands de ce genre de faire. En gros, donc, je vais vous donner un objet de la vie plus ou moins de tous les jours. Des objets que vous avez déjà vus, que vous avez peut-être déjà achetés, même sans même regarder le prix. Parce que c'est des trucs parfois que tu les achètes parce que tu en as besoin. Genre le filet d'orange. Genre voilà, le filet d'orange ou le cure-oreille. Enfin, comment ça s'appelle déjà? Les cotons-tiges qui vont bientôt être. En fait, chaque 1er janvier, ils nous disent qu'il ne va plus en avoir. Et il y en a encore. Alors, c'est quoi 2022, ouais. Je crois. Non, mais à chaque fois, il va pas. Ce sera plus en plastique. Maintenant, ça va juste être en carton. Au lieu d'être en carton, du coup. Là. Ouais, c'est ça, ouais. Il y en a qui sont en caoutchouc aussi, mais bon. Mais le plastique est interdit. Ouais. Moi, j'aimerais dire bonjour à Flarnag. Ouais. C'était bon. C'est les pâtes de fruits à aujourd'hui. C'était dégueulasse. Ouais. Moi, j'ai bavé dessus, je l'ai recraché. Ouais, j'ai dû ramasser. Il y a du monde là. Hein. Ça sent mal. Mon dieu, mais on ne voit plus les premiers messages. Coucou. Coucou qui? Est-ce que Oumous, c'est une dédicace? À toi? Ah, merde. Coup dur. Est-ce que Oumous est... J'adore Oumous, je voulais savoir. Bah c'est probable. Hein. C'est pour ça, c'est probable en vrai. Très probable. Ah, je sais pas, parce qu'après, il y a un petit problème. Bon, écoutez, allez, le prix juste... Je voilà. Laisse Léopold regarder le... Vas-y, je regarde, regarde. Léopold, je pense que tu peux jouer pour ce jeu, parce que t'as pas trop vu, ou alors tu t'en souviens plus, je pense. Ouais. C'est précis. Donc, le combien ça coûte, je vais vous dire, comme je vous l'ai dit, des objets, vous devez me donner le prix le plus exact possible. Léopold, est-ce qu'il y aurait moyen, avec ta technologie de l'internet, mettre une petite musique un peu d'ambiance. Il y aurait moyen un peu ou c'est trop te demander? Oh putain, ils vont nous arrêter le live. Vraiment, ce sera ma faute. On a mis 3/4 d'heure à mettre en place le bordel. Ouais, même plus. Ah oui, mais attends. Comme ça, en attendant, on répond aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Vous répondez aux questions? Mais en fait, on les voit pas en entier. Ouais. Voilà. Est-ce que tu veux ta... Oui, Claudie, je t'ai vu. Oh yes, j'ai fait pour toi, Lisa. Ouais, si tu veux, t'as des questions là. Tiens. Je réponds aux questions. C'est trop galère ou pas, Léo? Tu me dis. Non, mais alors, ça peut se faire, mais. Bon, c'était bon, j'ai répondu pour la pâte de fruits au houmous. Non, mais c'est le lien que je t'ai envoyé par Messenger. Déjà, la cheminée en fond, on n'était pas. Ouais. Je te l'ai envoyé par Messenger, je crois. Bon, c'est pas grave, Léo. Si ouais, vas-y, on le mettra la prochaine fois. Écoutez, voilà. On a manqué de temps là. Ah, attends, une erreur réseau, c'est normal ça? C'est pas grave, ça va être toujours en live. Oui, grave, bon, saumon, parle de saumon et tout. Oui, ils parlent de ce qu'ils ont mangé. Génial, ah génial. Léopold en Léopold. Ça s'écrit pas comme ça. Hein. Ouais, ça pas comme ça. C'est Léo-Paul. Paul comme le prénom. Et pas Léopold. Paul mais comme on peut... Moi aussi, je pensais au début que tu t'appelais que c'était Léopold. Moi, j'appelle Léopold. Moi aussi, je pensais. j'avoue, j'ai écouté. Mais je l'appelle souvent Léopold. Moi, j'ai des raviolis, mais qui est Flarnag? Je ne sais pas. Starf, au début, moi, je pensais que c'était Lucas, mais. Starf. Starf. Non, je pense que c'est Lucas. Lucas, il se cache. Ouais. Puis, c'est Lucas ou c'est. Puis Lucas, il kiffe pas trop les raviolis en plus. Tu sais, il avait pas dit des fois, il genre. Mais putain, mais c'est Paul les raviolis, il nous l'a dit. Ah ouais, bah, trop con. Donc je confirme que le houmous, c'est une petite détruite. C'est qui houmous? C'est qui houmous? C'est pas vendredi pourtant. Ouais, tu as dit en plus. J'imagine que c'est sur le micro. T'as le. Comment? Plaisir. Bon. Ah ouais, yes. C'est bon, la config là, oh! Il va falloir mettre ça au point parce que les invités sont participés, ça me plaît pas. Bon, est-ce que vous avez compris ou je répète pour la quatrième fois? Non, on a compris! Combien coûte Le papier toilette marque repère x12. Voilà, ça c'est rigolo. 2,40€ x12 c'est. Non, 1,60€. x12, attends. Le papier toilette basique blanc marque repère x12. Alors, c'est prix supermarché. Hein. J'ai pas pris le prix de le rose, le... Est-ce que c'est le rose qui fait mal aux fesses? J'ai dit le blanc. Il y a blanc et rose, blanc. Mais c'est les mêmes, ils sont le même prix. 2,10€. Mais ils font mal aux fesses. Moi, à ma gauche, 2,10€ à ma gauche. 1,80€. 1,80€ à ma droite. 3€. Je pense que tu t'en souvenais un peu, non? Non. Ok. 3 balles, 12 c'était rouleaux. C'est bien plus que ça. Non, je rigole. Si, c'est beaucoup plus. C'est 4,08€. C'est cher le PQ, mais vous avez vu, on regarde jamais le prix. Moi, je regarde tout le temps en prix parce que je prends moins cher. Bah oui, mais tu prends le moins cher, mais du coup, tu regardes pas. Enfin, tu retiens pas parce que tu te dis. Tu dis c'est le moins cher, c'est le marque. Tu retiens pas parce que tu t'es dit, bon bah c'est bon, de toute façon j'ai pris le moins cher donc et j'en ai besoin. Si vous voulez des tips de PQ, appelez-moi parce que moi je paye pas 4€ mon euro de PQ de par 12. Mais en fait, peut-être parce que tu les prends x6 ou x9. Je pense pas. x9, tu sais, c'est. J'ai beaucoup réfléchi donc j'ai besoin de. Ça se vide vite chez moi. Et bien écoute, voilà. Et je vais ça. Mais merci. Je fais beaucoup pipi. Ah ok. Un plaisir. On rentre sur un objet aussi acheté du quotidien, forcément. Combien coûte une Porsche 911 Carrera S 2019? Ah, bah le quotidien! S'il vous plaît. Vous allez savoir. Ah non, bah. Moi je sais, hein. Alors là je peux vous dire qu'à l'euro. J'avais lu, du coup je peux pas. Tu l'avais vu, je okay. peux pas jouer, mais. Dommage. Je partirais sur un 80 000. 80 000 à ma gauche. Donc là vous jouez tous les deux totalement. Attends, c'est la Porsche 911, on va dire c'est la plus classique des Porsches. C'est la, voilà, la Porsche emblématique. La Porsche emblématique, merci. Carrera ça S, sent pas pareil, assez 80 000, 2019. J'ai pris j'ai même pas pris le Largus, j'ai même pas pris le prix de Largus, j'ai pris vraiment neuf. Moi je dis 110 000. 110 000 ouais. Et 80 000. 80. Je dirais même moins, mais. Moi je dirais. 380 000. La Porsche 911 Carrera S 2019, elle est à 122 255€. Putain. Ça fait mal hein. Eh oui. Bon de toute façon voilà c'est ouais. tout qu'on achète tous les jours, on fait pas gaffe. Donc ouais. À quoi bon, j'ai envie de vous dire. À côté des marque-pères. À côté des marque-pères, tu vois une petite Porsche 911 qui traîne. C'est relou. Ouais, c'est chiant. On continue. Combien coûte une brosse à dents électrique Oral-B? 24€. 34€. Nous avons presque, on va dire, nous avons un juste prix. C'est 34€. Oh. Et 23 centimes, mais je compte pour la perfection. C'est une des moins chères du marché, mais dans le bas de gamme, c'est une des plus chères quand même. Genre, c'est-à-dire que ça peut monter à 250€, une brosse à dents électrique, j'ai vu ça, j'étais effaré d'ailleurs. Moi, je veux dire, j'espère que t'as même pas besoin de la tenir. Margot, elle avait dit 40€. Ah, mais c'est vrai qu'on peut les laisser répondre, je suis bête. Mais oui, on pourrait. Ah putain, mais ouais. Moi, je suis d'accord avec joue avec nous. On est victime de notre succès. Tesla, j'ai pas mis parce que je trouvais ça un peu trop facile. Mais en fait, c'est des chiffres ronds. Il communique tellement dessus que tout le monde le sait. J'espère que vous vous ennuyez pas avec nous et que vous pouvez jouer avec en même temps que nous. C'est pas le modèle. C'est la moins chère, quoi, qu'elle a 50 000. Ouais, alors je crois que tu l'as 35 000$ sans export et tu montes à 45 000-50 000 sans option. Donc après. Ouais, Tesla. Tesla, c'est 50 000€. Ouais, la moins chère. Okay. C'est vrai qu'ils sont trop forts Tesla pour avoir. Ils communiquent trop bien en fait. Trop bien communiquer avec ouais. Tu connais les prix alors que tu n'as pas plus les moyens de te l'acheter que non, non, mais la Porsche, en fait, mais tu sais tous les prix. Moi j'avais déjà commencé l'hypothèque. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est ça. Je l'ai vite dépensé. Salut, qui est-ce? Salut, mes deux. C'est pas moi. Je sais pas, j'ai mis sur Twitter mon loyer de suite. C'est pas forcément des gens qu'on connaît, tu sais. Non, mais c'est vraiment. Salut. C'était mon pseudo que t'es. Salut. Je pense aussi, André. Tu vas bien? Bonsoir, Paris. Wisden. On va laisser répondre pour la prochaine. Enfin, vous répondez. Ouais, vous deux, répondez après, avec nous. Combien coûte? Ça, c'est peut-être plus de tous les jours. N'allez pas voir sur internet, hein, c'est du live SVP. et leur donnez pas la réponse tant qu'ils n'ont pas répondu. Un abonnement Netflix pour 4 écrans simultanés sans réduction apparente. 14,99€. Putain, elle a raison, je crois. Parce que c'est 12€. Moi, je paye 12€ deux écrans, je crois. Mais ils changent leur tarif régulièrement. Ils changent leur tarif régulièrement, je tiens à préciser. C'est bâtard. Je crois que c'était 13,99€ et qu'ils sont passés à 14€, si je dis pas de conneries. Il a dit maxi format. Non, j'ai dit. Non, 16€. J'ai dit 4 écrans simultanés. C'est 13 ou 14, c'est ça. Répondez, les gars. Vous pouvez répondre maintenant. Please. Ouais. Non, mais s'ils ont pas envie, ouais, répondez déjà, pas. Déjà, faut le temps qu'ils aient la question. Le temps qu'ils aillent le taper sur internet. 3 secondes de décalage. 14€. Ok. Ouais, okay. Je dis 16 parce qu'il a déjà dit 14, mais. Donc 16 et 14,99€, t'as dit? Non, je dis 15, c'est bon, je dis 15. 15? Mais non, mais c'est un centime de plus, je veux dire, non. Non, c'est 1€ du coup? Non, il a dit 14,99€. Ah merde. C'est vraiment pour faire chier, quoi. 14,99€, je sais pas. Bah, dis 16. 16. Alors, les tarifs de Netflix. Qui ont augmenté, Ouais. été l'année dernière pour les 4 écrans simultanés à 14,99. Ils sont passés à 15,99, donc 16. Yeah. Bien joué Claudia, Claudia Garcia. Je n'ai même pas exprès, je gagne. T'es trop fort, c'est le talent Claudia. Tu peux pas l'inventer, tu sais. Non, donc ouais, et c'est cher quand même, enfin je veux dire, si c'est quand même cher. Après ouais, c'est devenu trop cher, même écran, un écran. Je rappelle qu'on n'a pas genre, genre un écran c'était genre. Un mouton. Si Netflix veut le bien, non. Non mais dans le. Partager le compte, qu'avec ta famille. Non mais d'accord, mais comment. Ouais, mais Netflix s'en fout, non je crois. Il commence à faire chier. Ouais, parce que ça fait grosse perte d'argent. Bah ouais, forcément, forcément. Un de vous à la bringuette ouverte. Wouh. C'est pas moi, je sais pas. Non plus. C'était juste pour. Il voulait un screen avec nous, tu vois. Ah, si, c'est moi. Vas-y, en fait. Bien joué. C'est toi, Paul, qui a toujours la braguette ouverte. Ah non, c'est pas Paul qui dit ça. Oh, c'est méchant. C'est toi, c'est quoi ce pseudo déjà. C'est toi, non, Flarnag. C'est toi, Flarnag, qui a toujours la braguette. Ok, bon, bah écoutez, pas mal. Bien joué, Claudia. Alors, attention, là, un petit peu plus. Ça s'adresse un peu plus aux writers d'entre vous. Quel est le prix moyen, c'est très précis donc écoutez bien, quel est le prix moyen du diesel en France au litre en 2019? Ok, je suis chaud. Donc ça prend, en fait ça prend tout simplement le prix minimal de l'essence au diesel, enfin du diesel au litre en 2019 et le maximum, et ils coupent la part en deux et ils ont fait le, la moyenne, ils font la moyenne des. Moi j'ai un prix. En 2019, donc le prix moyen du diesel en France en 2019. 1,54. Ah non, moins, 1,40. T'as une essence ouais. Ah, j'avais une essence à l'an, putain, c'est pas. Ouais, c'est du diesel, hein. C'est pas du sans-plomb. 1,42 parce qu'il y a eu des soucis de jeunes, tout ça, c'était monté. Tu connais le gars qui a fait la route 1000 km par semaine. 3 km par route, je peux t'assurer que tu. Est-ce que tu peux nous raconter tes années post-bac, tes années post-bac en véhicule motorisé de catégorie B? Tu peux regarder la cam. On a évité la. Point faible, trop rapide. Pour répondre à mes fans d'été. Avant, j'habitais à Bordeaux, donc j'ai commencé une école à Bordeaux. Et il y a un moment où j'ai déménagé dans les Landes à Mont-de-Marsan et où je devais faire des allers-retours entre Mont-de-Marsan et Bordeaux tous les jours en voiture, donc à raison de 3 heures de voiture par jour. C'était 300 km, une voiture tous les 2 ans, je pense. Ouais, à peu près, mais c'est encore logique. Entre celle que tu casses et tout, première année, je suis rentré dedans. Deuxième année, la voiture est tombée en panne, je sais pas combien de fois. Et troisième année, après, j'ai conduit une autre. Je suis peut-être rentré dans un truc en un plan en béton. Bon. Ah oui. Ça arrive à tout le monde. Il était mal placé. Alors, petit disclaimer. On t'a arraché un rétro aussi. Oui, non, on m'a arraché une poignée aussi. On m'a arraché la poignée de la porte. C'est vraiment genre le gars, trop envie de rentrer en sac. C'est ça. Mais ouais, non, petit disclaimer, buvez pas d'alcool avant de conduire, sinon vous risquez de bouffer des. Non, des c'est vrai béton. Oui. Ok, on vient d'apprendre quelque chose, l'alcool est. Notez-le, Thibaut, ça va pas la tête. Notez-le bien et tout. Ouais, j'ai vu, t'es un ouf. Ça va. Après, s'il reste dormir chez vous, il fait pas de bruit, genre il reste sur le canapé, vous pouvez faire la soirée à côté, y'a pas de soucis. Des fois, la soirée est même pas finie. Léopold, tu t'en souviens ou pas du litre, toi, de la réponse exacte? Oui, ouais, moi, j'ai dit quoi? 1,40. T'as dit 1,54. 1,45 ou 1,45. Après, t'as dit 1,45 et toi, t'avais dit 1,42. Bon. Sans l'intervention de Thibaut, elle serait partie très loin. Donc, j'avoue que si on comptait les points, j'aimerais bien lui accorder. C'était 1,44. Un point chacun. Voilà. Mais c'est vrai que Claudia est plus proche, mais je veux dire, t'es partie vraiment très loin au début et je me suis dit. C'est 1,44. Ouais, c'est 1,44. Moi, je pense que dans 2018, c'est à la virgule près. Ouais. Par contre, je crois qu'il y a, il y a un ou deux ans. C'est 1,39. C'est 1,37 et 1,40. Ouais, mais vraiment. Leclerc, Mound. Et par contre, t'avais raison parce que le 1,42 faisait partie, je crois, du prix minimal qui permettait de faire la moyenne. Et le 1,46, du coup, était le prix maximal. Donc voilà. 1,44 le litre. Donc bon, on reverra cette vidéo dans 10 ans et on dira oh putain, c'était pas cher. C'est pas cher. Claudia, on fait chier. Ah, désolé, je répondais à mon truc de 1,60. Ouais, de ouf, je l'ai pas dit, hein, mais, parce qu'il parlait, mais j'avais vraiment très envie de faire. Cette personne s'ennuie. Oui, mais vraiment, je pense que je suis plus grande dans la vie. Ouais, c'est vrai que j'ai le droit de couper la parole. Ah oui, t'as le droit de me dire que je suis. Tu me fous un gros stop, tu dis Claudia, on fait. Moi, j'ai rien contre toi. Je crois que c'était stylé. Combien coûte un iPhone 11 Pro 64Go sans récupération d'iPhone, enfin vraiment le prix. Très cher. Apple, chez Apple. Chez Apple, ouais, chez le site. Moi, je partirais sur un petit 1149, un petit SMIC. C'est quoi, c'est le plus petite version? C'est l'iPhone 11 Pro, plus petite version de giga, sans coque, sans rien de rajouté. 1100. Donc 1149, ouais. 1100. Il me semble qu'ils ont des 1199. Ah oui, j'en ai pris bien, mais moi j'en ai aucune. Encore une fois, vraiment pas loin, bravo, c'était 1159. Ouais, bien joué Thibaut. 1004, elle a dit Margot, 800. Vous êtes trop chou. Ah, 1159, ouais, bien joué. Il y en a un qui est bon. Ouais. 800 euros, qui a mis 800 euros? 800 euros, ouais. Bon. Je peux me dire qui tu es, s'il te plaît. J'achète, moi, pour 800 euros. Ah ouais, c'est pas cher, 5,74$, ouais, c'est pas cher. Mais regardez nos réponses, elle oui, on est en train. Elle s'énerve, là. Je veux dire, regardez. Regardez, en plus, vous êtes 4-5 à répondre. Mais, donc, avec Claudia, on regarde pas avant pour pas tricher. Genre. Oui, en vrai, ouais, oui. Je dis, nous, il faudrait qu'on regarde. Ouais, ouais, avant de dire la réponse, il faudrait. Est-ce que vous êtes chaud? Je fais quelque chose. Je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire. Combien coûte un journal Le Monde en 2019? Papier. Oh, format papier. J'ai aucune idée. Ouais, je sais, mais c'est quelque chose qui s'achetait vraiment tous les jours à l'époque de nos parents et tout. Mais je crois que ça vaut cher. Et nos grands-parents. C'est 2 euros? J'espère que c'est pas plus. Donc, le journal Le Monde, hein, qui est un des journaux les plus 250. Anciens de France. 2,60, machin. 2,99. Allez, moi je pars sur 2,50. C'est 4 euros. C'est quoi 3,50? Combien coûte un ticket de métro? Je pars sur 3,50. Attends. 3,50? Surtout qu'avec un billet de 5, tu peux acheter le pain et le journal, j'espère, tu vois. J'espère. C'est, je peux vous dire, c'est moins de 5 euros. Je dirais. Putain, si c'est 4,99. Putain, j'hésite entre soit c'est hyper cher, soit c'est pas cher du tout. Je n'ai aucune idée. Franchement, c'est. 1,99, 2 euros. Du coup, tu dis quoi, Claudia? 2,50. Ok. Léopold, t'as dit 2,60? Ouais, mais du coup, c'est hyper proche. Et toi, 3, voilà. On a un juste prix. Donc, bien joué. Ça, c'est vraiment. En fait, le jeu, j'aurais pu s'appeler juste prix. Ouais, mais c'est un jeu qui existe déjà, du coup. Attends, on a piqué toutes les émissions. C'est ça, du coup, on a piqué un peu les idées par-ci par-là. C'est 2,60. Donc, bien joué. Ok, peut-être qu'il y en a qui l'avaient dit, je crois. Ça sonnait trop bien, quoi. Non. Ah non, on a 2,80, 2,40. C'est 2,60. Je lis que valeur actuelle. J'entends. C'est un génie. Ouais. Qui est-ce? Qui es-tu, mon dieu? Mais, wow. J'ai gagné. Jimmy Labeu. Ah non, du coup, t'as gagné. Merci à Jimmy Labeu pour le follow. Ouais, c'est ça. À Wisdom aussi, bien sûr. Donc, ouais, non, c'est cool. Et c'est pas si cher que ça. J'ai gagné. Du calme, Flarnac. J'ai gagné. Vas-y, ça va, on va strike des gens après. Mais tu peux le faire pendant. Ouais, mais je sais, mais c'est vraiment un plaisir. Ouais, donc 2,60, ça vous semble beaucoup ou pas, vous, pour un journal papier Après, d'un côté, c'est imprimé. À titre informatif, tu vois. Il y a la rédaction. J'ai pas regardé la moyenne de prix des autres journaux, sachant que je pense qu'un canard enchaîné, toi, tu sais combien ça coûte, non? Les canards enchaînés, du coup, c'est moins souvent, donc c'est ouais, plus cher. Ouais, c'est cher. Là, c'est vraiment le c'est quotidien, quoi. C'est, ouais. C'est pas l'hebdo, c'est. Et après, c'est eux, ils parlent de tout. Donc, c'est là-dessus. Ça coûte plus cher, je pense. Ouais. Celui-là, ça doit être genre. T'as l'équivalent d'un 20h, un truc comme ça, tu vois. T'as l'équivalent d'un 20h, moi-même. En vrai, non, on le consomme tellement pas que pour moi, je mettrais pas 3 balles dedans, tu vois. Les trucs que consomment plus les gens de notre génération, voire peut-être plutôt nos parents, c'est les abonnements à ces genres de journaux. Genre, ouais. Par exemple, l'abonnement mensuel. Non, si, mensuel, je crois, c'est. Non, mais c'est cher. Hein. Non, c'est beaucoup moins. Beaucoup ça moins. Le journal, c'est 1€ en format numérique. Donc, genre, Le Monde en format numérique, c'est 1€. Et sur ça. Dommage, tu vois, d'avoir ouais. Un format numérique sur un. C'est-à-dire que mon père, tous les dimanches, il allait chercher le Sud-Ouest avec le Fémina, là, et ça coûtait cher. Non, mais s'il allait. Je suis un connard, mais. Mais le Sud-Ouest, c'est moins cher, non? C'est moins cher. Mais non, mais je suis 100% un connard, mais oui, mais juste avec ça, j'aurais pu. Putain. C'est vrai que c'est un connard, quand même. Non, mais attends, bah non. J'ai fait 2 ans de pièces, 2 ans. Putain, mais. Ah ouais, c'est vrai. J'avoue, ça. Tous les dimanches, il y a des. Mais oui, t'es un connard. Mais t'es vraiment un connard. Mais putain, mais je vis mon métier de cœur, quoi. C'est la merde. Oh, putain. La façon de la caisse. Franchement. Roméo Elvis. Ouais, voilà. Donc 2,60. Mais ça a probablement. Ça a augmenté. Hein. Faut savoir que c'était, je pense, 10 à 15 centimes moins cher il y a 2 ans déjà. Donc vous, si vous venez à l'époque de vos parents. Ah, mais ça coûte super cher. Hein. Lucas, vous êtes sur Twitch, incroyable. Donc, ouais. C'est quand. C'est quand qu'il est mono. Ah, ça m'étonnerait. Désolé, hein. Désolé, là. Y a, en fait, on en mettra trop de demandes. Bon, trop de demandes, mec. Écoute, moi, je suis seulement à 50 euros de l'heure. Ouais, en mode. Okay. C'est ça. Mode expérimenté. Donc voilà, on a fini le combien ça coûte. Ça vous a plu ou pas? Est-ce que vous avez apprécié ce petit jeu de juste prix? Ça marche, très bien. On va enchaîner. Oui, moi je suis trop chaud. Pardon, excusez-moi, je répondais. Bah ouais, j'étais vraiment une personne à supporter. Alors, est-ce que tu aimes ce jeu? Mais vous oui, moi j'ai trop aimé. Claudia, vous êtes désagréable. Désolé. Non, mais je dis aux gens de venir, je repartage le lien. Ah, tu l'as vu? Pardon. Oui, parce que les gens ils veulent venir et ils savent pas où. Wisdoun a raison, ah, la fenêtre parce qu'avec le avec feu, la cheminée, c'est franchement, en vrai, je pense, on a tellement la qualité la plus basse, je pense qu'en vidéo, ça peut passer. Hein. Mais non, mais en vrai, ça. Pourquoi faut ouvrir la fenêtre? Non, mais parce qu'il y a cheminée derrière, c'est une blague en fait, peut dire. Ça, ça passe, hein. Ah, excuse-moi, fallait suivre en même temps. Ah, mais regarder, c'est la personne qu'on connaît pas qui nous dit blague. C'est une bonne nouvelle. Franchement, le setup de notre point de vue est. Cancer du dégueulasse. Vraiment. Ah, ouais, vraiment, je pense. On va faire une petite photo parce que c'est vraiment moche. Vous voyez pas ce qu'il y a, mais c'est sale. Est-ce qu'on continuerait pas sur le prochain thème, mon bon Daniel? Oui, c'est parti. Ok, c'est parti. Mon Daniel. Ils vivaient dans un gros pipi. Dans un quoi? Gros pipi. Oh mon Dieu. Vivre dans l'urine, c'est affligeant. J'ai honte, parce que jamais de ma vie j'avais pensé. C'était normal pour moi. J'ai vu ça dans tellement d'écoles. Voilà, je reprends le micro, donc maintenant à moi d'animer les petits jeux et la petite animation. Donc là, c'était normal pour moi. Donc en fait, je suis parti de cette vidéo, la Twitch, donc je vais pouvoir vous remontrer après. Et en fait, c'est Davy qui raconte son histoire comme quoi dans sa cour d'école, il avait des pneus. Et du coup, pour lui, c'était normal d'avoir des pneus dans sa cour d'école. Il disait, mais dans toutes les écoles de France, il y a des pneus. Qui ici avait des pneus? Ah voilà, école du riche. Personne désagréable, école du riche. Moi, c'est vraiment... tracteur et tout. Mais c'est ça. Moi, comme je racontais tout à l'heure, je changeais d'école tous les deux ans parce qu'on habitait dans des petites communes. Du coup, des petites communes de riches. Des communes de pauvres bordelais. Mais je ne suis pas de Bordeaux, il faut le savoir. Ouais. Et du coup, on changeait tous les deux ans, donc je suis jamais restée genre plus de 3 ans dans une école, quoi. Voilà, on a une Autriche qui vient de se manifester. Deux Autriches. Ah, mais du coup, dites dans les commentaires si vous aviez des pneus à l'école. Mais des pneus, vous vous amusiez dessus? Ouais, ok, donc je... Bah, en fait, c'était vraiment. Vous pouvez faire des châteaux de pneus. Des châteaux de pneus. Le pneu était à moitié enterré, alors ça faisait vraiment. Ouais, moi j'ai fait ça. Mais je crois que t'en es petit, tu pouvais. Nous, on montait dessus, ouais. C'était souvent dans le bac à sable, en fait. Donc, on avait le bac à sable et le pneu au milieu qui était vraiment enfoncé et vénère. Non, il voulait pas qu'on aille dans le bac à sable parce qu'il y a des chats qui venaient pisser. Ah, c'est vrai. On avait un bac à sable, nous on nous amusait, mais en fait on n'avait pas le droit. On avait, ils nous disaient, allez-y. Nous c'était pareil, c'était aussi la litière des chats, mais c'était aussi. Mais nous on avait le droit, mais pas pour le coup. Il y avait peut-être des chats, hein. Ils nous l'avaient dit aussi, mais. Ils nous l'avaient dit. Pourquoi je connais pas les châteaux de c'était franchement c'était assez c'est un assez poil long les titres Gomard. Ouais il dit il y a c'est possible c'est, on a les capacités de réduire les titres. Et du coup je vais vous mettre l'extrait en fait pour expliquer le concept de l'émission en fait, enfin de cette partie. Ouais. Donc le principe c'est de dire il y avait des évidences qu'on avait quand on était petit, mais en fait c'est pas du tout la réalité pour tous. Donc bah, je vous mets l'extrait d'émission là où David raconte son histoire de pneus. Histoire que vous compreniez pourquoi. Et on se retrouve après et je vous raconterai une anecdote sur un autre sujet. Oh, voilà. On m'avait volé mes pneus dans la récré parce que vous savez quand... Ouais, non mais... Peut-être qu'en Ardèche, on est pauvre et donc on n'a pas de jouets pour les enfants. Pour nous amuser, ils nous avaient acheté des pneus réchappés et il y en avait plein dans la cour et on faisait des châteaux de pneus, on se cachait dans les pneus. Vous avez pas eu des pneus dans les... J'ai honte parce que jamais de ma vie j'avais pensé que c'était... C'était normal pour moi. J'ai vu ça dans tellement d'écoles en Ardèche. Donc moi je vais raconter l'histoire des Pépé Mémé. Donc pour moi, pendant très longtemps, j'ai pensé que Pépé Mémé, c'était le nom pour les arrière-grands-parents, puisque en fait, mon père appelait sa grand-mère Mémé, et du coup, je me disais, bah, comme moi, ma grand-mère, je l'appelle Mamie, Mémé, en fait, c'est pour désigner l'arrière-grand-mère. Et en fait, dans ma famille, tout le monde pense ça. Enfin, j'en parle à ma cousine, et elle pense vraiment la même chose. Et un jour, enfin, je crois que c'était quand j'étais chez toi, Willem, et... T'as appelé tes trucs et j'étais en mode... Tes trucs, mes grands-parents. Tes grands-parents, mais tu disais avec tes mots, genre, mais mes pépés, j'étais en mode... Non, je pensais peut-être, j'avais peut-être découvert avant, mais c'est vrai que là, je me disais... Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours pensé que c'était arrière-grands-parents et en fait, pas du tout. Ouais, non, du coup, non, moi, je suis normal, on va dire. Enfin, je sais pas, peut-être c'est arrivé à d'autres gens, mais vu que moi, mes arrière-grands-parents, enfin, je les ai pas connus, tu vois, donc j'ai pas connu la période où mes parents appelaient leurs arrière-grands-parents, donc forcément. Mais je peux comprendre. En vrai, ouais, quand toute ta famille se passe comme ça, après... Ouais, de ouf. Tu te dis, mais... Par exemple, attends, c'était quoi ? Quelqu'un de ma famille, voilà, ma marraine, c'est la tante de ma mère. Du coup, je l'appelle jamais marraine, je l'appelle Tata Mimi. Ça s'appelle s'appelle comme ça, c'est son prénom. Enfin, je s'appelle Mimi. Voilà, sur son acte de naissance. C'est fou. Tata, Mimi. Moi, j'ai une Tata Yoyo. Du coup, j'appelle Tata. Donc, ah, moi aussi, j'ai une Tata Yoyo. C'est vrai, j'adore. Ouais, on a perdu. Donc, ouais, donc je peux comprendre. Je peux comprendre de ce point de vue-là. Mais bah, en fait, je comprends totalement, du coup, parce que Tata Mimi, c'est vrai que c'est ma marraine, c'est pas du tout ma Tata. Donc, bah, c'est Tata aussi, mais. C'est ma grande tante. Ah non, c'est la Tata de ta. C'est ma grande tante. Ah oui, du coup, toi, c'est. C'est la sœur de mon grand-père, donc c'est ma grande tante. Ah oui, c'est ça. J'ai pas de rapport avec le fait que. Ma Tata, elle s'appelle Isa Patapizza. Si, si, mais il y a des majuscules, Parnag. Qu'est-ce qu'il raconte? Je vois pas le flingue. C'est normal que le. Vous aussi, vous avez une Tata qui s'appelle Yo-Yo? Ah, oh, Misgoon! Ah non, ça fait mal. Choqué, déçu. Bravo, Flarnag. Merci. Bravo, tu as réussi à mettre la majuscule. Il a mis quoi en fait? C'était quoi ton anecdote toi, William? Est-ce que vous avez des anecdotes? Ouais, moi j'en ai une. Bah, elle est assez petite en fait. Tu sais faire n'importe quoi, c'est comme ça. Avec mes parents, on a un peu notre langage à nous parfois. Il y a des choses que je sais que c'est notre langage à nous. Il y a des choses que j'ai appris genre il y a 3 ans que c'est qu'entre nous qu'on dit ça. Bon, en fait, après j'ai fait des recherches et d'autres gens disent ça. Moi, c'était la reblochonnade. Putain. C'est une. C'est la tartiflette avec du reblochon en gros. C'est ça, c'est un gratin de. C'est la tartiflette quoi. Voilà. Ouais. Et nous chez nous c'est la reblochonnade. Et en fait il y a 2 ans j'ai appris que ben que on disait pas ça, que c'était vraiment entre nous quoi, que c'était un mot comment dire, un abus de langage comment dire. Ouais, voilà. Bah, ouais. Du comment ça s'appelle du nouvelle langue. De l'argot. Ouais. Argot. Oh, voilà. Oh, les mecs savants. Et j'ai appris voilà que c'était pas français. Ouais. Bah si. Et en fait après j'ai été chercher sur bah déjà, si le mot existe, il n'existe pas, mais en fait, il y a d'autres gens qui le disent. J'ai vu sur des forums, enfin, j'ai fait mes recherches, quoi. D'autres gens le disent, mais c'est pas. Moi, je pensais vraiment que c'était un mot. Dans le dictionnaire, dans la rousse, validé, tamponné. Voilà. Toi, t'as eu notre truc comme ça une... Ouais, bah, moi, dans le genre, quand j'étais petit, enfin, vraiment petit pour le coup, je devais avoir 7-8 ans, je pense, au plus tard, mes parents faisaient le soir ce qui s'appelait des chocolat parties. Et en fait, c'est juste que j'ai compris que plus tard. Mais c'est qu'en fait, vu qu'on n'avait pas spécialement beaucoup d'argent, il y a des moments. C'était où... pas les chocolats. Non, c'est pas ça. Les fins de mois étaient difficiles. No joke, hein, c'est un peu difficile les fins de mois. Et donc, bah, on se retrouvait à devoir faire genre, déjeuner le matin, genre avec le chocolat, lait et des céréales. Et c'était tout le repas du soir. Ah. Et ça, moi, je pensais que c'était un truc qui se faisait chez des gens. C'est la partie. C'est trop mignon. C'est plus tard que j'ai compris qu'en fait, ouais, c'est trop bien. En fait, ils ont appelé chocolat partie pour que ça passe mieux. Oui, c'est, ça. Okay, c'est trop chou. C'est trop mignon. C'est trop cool. Bien. Je trouve plus le nom du film qui fait un peu ça. Ah, Margot aussi, mais Tata Yo-Yo. Oui, j'ai pas fait envie de couper la parole, mais... Mais tu sais, le film, en mode, le père, il ramène son fils dans un camp de... Enfin, déporté, ouais, c'est ça, la vie est belle. Et du coup, en mode... c'est parfait aussi. Son père, et du coup, il lui dit, ouais, c'est un club de vacances et tout, et du coup, tu acceptes lui, tu vois. Du coup, toi, tu devais être trop content de... Oui, c'est ça, c'est un peu mais pas le même extrême, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Alors moi, j'ai aucune culture cinématographique, je connais pas. Ça tombe bien, c'est pas le thème de la journée. Après, tout dépend, je veux dire, à la fin, quand on parlera de nos trucs, entre guillemets, des choses qui nous ont marqué, peut-être il y aura du cinéma. Tu spoil les viewers. Ah ouais, c'est vrai. Oh non, ils vont partir. Oh non. Mais elle a pas de culture pour les films, tu le sais. Bon, si vous avez une petite expression, vous pouvez le dire. Ah ouais, est-ce que vous avez une expression du genre vraiment un truc de village ou de famille quoi, c'est trop... Oula, mais moi j'en ai plein. Non, mais des trucs. Mais vas-y, mais dis-les-nous, tu vois, genre des trucs qui. Entre dans ma famille. Ouais. Mais des trucs qui sont traduits. Traduit. Bon, ok. Vas-y. Vas-y. Ouais, bon. Vraiment, dans ma famille, quand on dit c'est fantôme, je sais pas si c'est vraiment horrible ce que je raconte. C'est fantôme. C'est fantôme de dire que c'est inapproprié, c'est pas. Ça craint, genre c'est pas ouf quoi. C'est fantôme. Clairement, ah là, comment il est habillé, c'est fantôme. Et voilà, c'est vraiment. On est trop à le dire en France. T'as fait des recherches aussi. Ah non, mais là j'ai pas envie. Je sais qu'on est trois. C'est mais... fantôme. C'est fantôme. Genre fantôme dans le sens le ouh, le gosse, vraiment genre. Comme ça. Le mot fantôme, ouais. D'accord, ok, c'est pas. Ok. Bon, bah. Après, on en a tellement que je ne peux pas tous les. Vraiment, tu m'avais dit une fois. Tu m'avais dit une fois, je me souviens. Genre. Et c'est moi qui t'ai dit. Mais ça veut dire quoi ça? Ah, tu dis pas ça, toi? Tu te souviens pas? Putain, celui que Laetitia me dit tout le temps, mais c'est connu, c'est. Ah, putain, si elle verrait ça. C'est des expressions de famille, j'arrive pas à suivre. Ouais, on sort souvent. Hein. Putain, je m'en souviens plus. Ah, quand tu fais quelque chose jusqu'à ce que... Attendez, on t'arrête. Ah. Dans ma famille, on utilise beaucoup... Voilà, je dois parler très près du micro. Dans ma famille, on utilise beaucoup de mots béarnais. Boudiou. Et ça arrivait, et ça. Et oh, putain, je sais pas lire. Et c'est en arrivant à Bordeaux que je me suis rendu compte que c'était pas du français pour la plupart. Oui, mais justement, ouais, je me posais. Est-ce que c'est universel? Les gens qui sont genre au bord. Ils ont rien à voir avec le patois, enfin, ils ont pas d'origine. C'est vraiment où les inventaires. Nous, en restant, il y a quelques mots béarnais qu'on dit, mais Margot, par contre, elle vient vraiment de. Sa famille, elle est vraiment béarnaise. Oh, j'ai des questions, j'ai des questions. Donc vraiment, ils ont dû. Enfin, t'as des vrais mots, Margot, qui viennent. Il a levé la main, il a levé la main. Heureusement que c'est noir sur le t-shirt. Ouais, non. Mauvaise idée. Vous appelez comment un petit flacon en plastique, tu sais, qui fait un brumisateur, voilà, mais à paracoup. Moi, j'appelle ça un pchit-pchit. Oui, mais je sais que j'ai des gens, attention, je sais que j'ai des gens qui appellent ça un piche-piche. Ah, non, vous c'est appelez un ça comment? C'est pchit-pchit. C'est, bon. C'est un aérosol. Ah, un pchit, on est d'accord. Vous appelez piche-piche. Piche-piche, n'importe quoi. Moi, ce qui m'a toujours étonné, surtout en colo, quand il y a plein de gens de toute la France qui se retrouvaient, c'était vraiment comment t'appelles la carafe. Moi, quand j'ai appris le qu'on. Gros dos, le pichet, le pot à eau! Le pot à eau! Le pot à eau! Avec la maison et tout! Non, calme-toi, c'est un pot à eau d'entrée, hein, je te le dis! Moi, j'ai vécu 11 ans à dire que c'était un pot à eau! C'est vrai, tu dis ça pour toi? Moi, c'était piché. Maintenant, je suis piché, mais. Non, mais piché aussi, c'est horrible! Brodo! Brodo! C'est pareil! Pot à eau! Brodo, j'ai déjà entendu! Un pchit, c'est vrai, un pchit! C'est une carafe, je sais pas, c'est une. C'est piche piche! C'est l'eau, quoi! Après, moi, dans le même genre, c'est ce que disait Gomard. C'est moi j'ai grandi dans le sud-est. J'ai grandi dans le sud-est. Et moi je viens du sud-est. Je fais l'accent belge, t'as remarqué. Oh, j'ai une question. Et pour le coup, il y a pas mal de mots. Genre un gâté pour moi, c'était un terme que tu dis. Est-ce que tu dis papé pour ton papy? Tu dis papé ou pas? Non, c'est pour Kylian, ça. Pour ton arrière-grand-père, c'est comment? Je sais qu'au sud-est, tu papais ton papy. Papé, effectivement, mais ça ne le même pas. Papé, est-ce qu'il court à 37 km/h ou. Mais donc ouais, moi je sais que j'ai eu le même souci quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai entendu pour la première fois. Ouais, c'est une vraie cheminée derrière. Tout beau comme ça. Ouais, j'adore ce moment. Tu dis quoi toi? Ça me fume. Ça me fait trop rire. Lucas, genre il est déjà venu chez moi. Ah oui, il est déjà venu chez nous. Ah non, peut-être pas. Non, Lucas il est... C'est triste. Ah, pauvre Lucas. Ouais, en même temps quel connard. Bon, moi j'en ai un autre. Oh merde, coupe. Ah non, vite, censure. Bon. Un peu parler de choses intéressantes. Non, on n'a pas le droit, désolé. Ouais. Ça fait partie du principe de l'émission, faut qu'on se fasse. C'est du fit and lol. À chaque moment intéressant, on est obligé de vous strike en fait. C'est ça. Désolé. On est obligé de couper, tu vois. Et ouais. Du coup, j'ai ma nouvelle histoire. Mais t'avais pas une question tout à l'heure, toi? Non, moi c'était pour Papé, c'est ce que disait Papé parce que. Mais il a bien plus mal. C'est bien. Les tablissons. On mettra en avant. Du coup, pichet, allez, on continue. Alors. Okay. Mais non, mais les trucs intéressants, c'est pas non plus qu'on ait des trucs. J'adore les coups. C'est vrai. Non, mais ça y est, il veut nous parler de trucs intellectuels et tout. Mais c'est qui en fait lui? Gunn, Carlos Gunn. Non, le monsieur rouge. Oui, il écrit Carlos Gunn. Bah, Gunn, t'as envie de dire, si on le connaît, n'hésite pas après. Oui, c'est cool. Il sait que c'est un dev, donc je pense que c'est un peu ça. Non, mec, j'ai. Mais pas forcément. Dieu sait que je suis pas un truc. Bon allez, on fait l'anecdote. Heureusement qu'on a des animaux marrants. Ceci dit, niveau aimé des koalas, mon petit Flarnag. Est-ce que tu te souviens de ma photo? Attends. Attendez, j'ai un truc super grave à dire. Flarnag, on est d'accord que c'est Paul? Non. C'est qui Paul? Mais bien sûr que c'est Paul. Ah, voilà. On est d'accord que Paul nous avait dit qu'il pouvait pas ce soir. Je vais te niquer. Ah, le petit bâtard. Il avait la flemme, lui. Voilà, Paul. Il a peur, Paul, voilà. C'est pas moi. T'es tellement dans la merde. Genre vraiment, demain je te vois dans les couloirs, je te pète les joues. Attends, ils sont en train de faire leur coup pour s'organiser pour jouer à Star Wars là. Mais non, mais ils croyaient que lui. Non, mais regarde. Il pas joué à Call of Duty. Moi c'est Oumous, je veux savoir qui c'est. Il boit des. On s'en fiche. J'ai trop envie de savoir, c'est trop bien. Moi c'est Oumous, je veux savoir qui est Oumous, vraiment. Bon, alors les anecdotes suivantes. Paul, c'est allez, du coup, ma nouvelle anecdote, c'est sur la ville de Montpellier. Ah ouais. Ça, je sais que je suis pas le seul à avoir fait cette erreur, mais. Alors, ça, je peux te dire que si. Mais... Non, moi j'ai déjà eu des témoignages comme quoi j'étais pas le seul, mais c'est quand même assez honteux. Mais j'étais petit, du coup, on voyageait avec mes parents, on était dans le sud-est, on voyageait, on allait vers le sud-ouest. T'as un. Comment s'appelle un mec qui veut te pécho? Comment on dit ça, gentiment, tu sais? Une douche? Non, tu sais, genre, oh, je vais t'offrir des roses, t'as un. Gentleman, un dragueur? Ouais, bon, bref. Bon, ah, je voulais dire un mot plus joli, excuse-moi, toi là, mais. Un prétendant! Un admirateur! Oh, merci! Voilà. Roya! Merci, Sartek Jeunesse. Ah, c'est Roya, trop bien! Roya, c'est Kevin qui est aussi. Chips qui est aussi. Je sais plus. Bref, beaucoup de compliqué. On reprend! Montpellier! Donc, je voyageais, j'étais dans le sud, et du coup, ma mère a son parrain. Qui habite à Montpellier. Et okay. Du coup, on était dans la voiture, je me rappelle, j'étais à l'arrière de la voiture. Mes parents étaient à l'avant. Tu conduisais pas. Et mon père, il conduisait, ou ma mère, je sais plus. T'avais pas le permis. Et ils étaient là, ouais, on va voir parrain. Et après, mon père disait, ouais, à Montpellier. Et du coup, je comprenais pas. Je disais, du coup, on va voir combien de personnes Montpellier, ou c'est Montpellier de qui et tout. Et je comprenais vraiment pas. Et Et j'étais en mode, mais c'est quoi le pelier? Mais non, mais en vrai, je suis bon, pas le seul à avoir. Dites-moi en commentaire, je sens qu'il y a des gens qui sont. On va voir Montpellier, on va voir ton parrain. C'est, genre, ouais, mon parrain, et c'est ton parrain, mais c'est Montpellier, et tout le monde est Montpellier. Je disais, mais comment c'est possible? Ils sont dans des familles différentes, mon père, ma mère, et ils arrivent à avoir un pelier en commun, mais comment c'est possible, t'sais? Déjà, en plus, je comprenais pas où c'était, je connaissais les. Tu nous as posé une question très importante, la question de la thune. On peut faire un don? Non. Non, on fait ça uniquement pour l'Amazonie. Bah, si, mais pour l'Amazonie. Du coup. Si tu veux, je peux t'envoyer mon PayPal aussi discrètement, il n'y a pas de soucis. On fait aussi une permanence pour. On fait une permanence pour Carlos Ghosn aussi. Je crois pas que ça parle d'œuvre d'art et de Lisa là. Mais ça parle on de peut toi, faire un toi, l'œuvre d'art. Ah, mais pourquoi il répond à Lisa? Parce que Lisa, il a dit que c'était un admirateur. Ah. Voilà, exactement. Oh là là. Ah, pardon, je suis pas, moi je suis à fond. Bah ouais, mais c'est ça. Voilà. Donc personne n'a dit, n'a cru que. Jamais. Que son pelier pouvait être son oncle ou un truc comme pelier. Ça. Il y a son para et son pelier. Non. Ton pelier, son pelier, mon pelier. Ça m'est jamais arrivé. Nous, non. Nos peliers. Je suis sûr, ça est déjà arrivé à quelques personnes. Non, non mais en vrai, oui. C'est possible. Attends, j'ai une question. Jouer, si tu fais, si vous faites genre 40 émissions, t'auras encore des anecdotes, style comme Matt avec Carlito, on dirait qu'ils ont eu Sylvie là, avec leurs anecdotes. Ouais, non, je sais pas. Mais lui, on va peut-être le bouger, ce qui est compliqué. Je sais pas si vous avez d'autres idées, mais. Comment tu vas faire pour avoir autant d'anecdotes? Dès que t'en as une en tête, tu vas. Oh, l'émission. Ouais, mais surtout que là, c'est des anecdotes en mode un truc que je pensais quand j'étais petit, en fait, c'était pas vrai, mais j'étais persuadé que c'était vrai. Ouais. Mais c'est un peu limité, mais pour cette émission, j'avais. Moi, je pensais que les loups-garous ils existaient. Vas-y, raconte-nous. Mais non, juste je confondais loup et loup-garou, et du coup, je pensais que loup égale loup-garou, tu vois. Ah, ok, c'était son nom en fait. Ouais. Du coup, ah, regardez ce beau loup-garou. J'étais juste con, quoi. En fait, quand t'es petit, t'es con. Mais c'est là où. C'est là. Il y a plus de logique. Quoi? Non, rien, oublie. D'accord. Je peux avoir une idée de thème? Genre comme ça, bam. Oh, la prochaine émission? Non, là maintenant. Vas-y. On raconte nos anecdotes, les pires moments de gênance ou de malaise qu'on a eu en rendez-vous médical ou dans un cercle médical. Je peux commencer pendant que vous cherchez? Ouais, vas-y. Ok, bon. C'était dans la magnifique ville fortifiée de Blois. C'est entre Tours et Orléans, un magnifique petit hameau très charmant. En gros, j'avais eu une indigestion alimentaire à cause d'une paella pas fraîche. Et donc en amphi, en cours, c'était ça hein. Je sais pas. Ah, bah oui. Je me raconte pas mon histoire à ma place. Une moule pas fraîche, une moule pas là, oui. Peut-être, ouais, peut-être. Sûrement. Et en amphithéâtre, j'ai mal au bide et tout. Je sors. Après, le prof sort parce qu'il voit que je reviens pas. Trop cool d'ailleurs. Je suis tombé dans les pommes, voilà. Est-ce que c'est clair? J'ai fait un malaise telle une merde. À cause d'une moule. À cause d'une moule. Et ouais, faites attention à vos moules. Et du coup, je suis allé à l'hôpital. Et c'est là que les ennuis commencent. Je pensais qu'ils allaient me guérir. Mais non, j'étais bien naïf. Arrivé à l'hôpital, ça a commencé mal, ils m'ont pris au bout d'une heure et demie, je crois. Donc ils m'ont laissé une heure et demie sur un brancard dans le couloir. C'est-à-dire que je n'étais pas. Tu sais, des fois dans les couloirs, il y a des brancards. Bon, bah j'étais pas dans une salle, j'étais dans un couloir, c'était génial. Et au bout d'un moment, quelqu'un vient me voir, je le vois pas trop à l'aise, tu vois, le gars, super jeune, moins de barbe que moi. Tu me dis, ok, pas ouf quoi. Bon, après, je juge pas, tu sais, j'étais pas en mesure de juger. Et il va pour me faire la perf. Et déjà, j'aime pas les aiguilles, bon, personne aime ça, mais j'aime vraiment pas, tu vois. Paul, il adore. Oui, c'est vrai, Paul, t'as il me rate une fois, deux fois, trois fois, quatre fois la veine, cinq fois la veine, et à la sixième fois, il réussit. Donc, cinq fois, c'est très long. Vraiment, quand t'aimes pas les aiguilles, c'est. Oh mince. Oh mince. Vraiment, t'as l'impression qu'il faisait exprès, quoi. C'était terrible. Donc, déjà, là-dessus, c'était très mal parti. J'étais déjà vraiment pas bien, mais j'avais moins mal au bide. Déjà, ça s'était tassé. Donc je réattends une heure après cette perf et on me dit d'aller faire ma radio hein, pour voir si jamais c'est très grave et qu'il faut faire un lavement de l'estomac. Je me lève et là je vois une réaction bizarre de la part de ma perfusion qui remonte. C'était très étrange parce que normalement la perfusion c'est censé injecter, c'est pas censé aspirer. En fait il avait mal loqué, je sais pas si vous avez regardé, il avait mal loqué l'appel d'air entre guillemets, enfin il y avait un appel d'air de la part de... Voilà. Du coup mon sang est remonté dans la perfusion à une vitesse vertigineuse, parce que c'est clair pour tout le monde. J'ai perdu je sais pas combien de centilitres de sang mais très rapidement, et étant déjà pas trop en forme, ah oui, recontextualisons, j'étais en caleçon genre frigun dégueulasse, le reste à poil avec juste la veste de malade, là vous savez qui est ouverte dans le dos là, vous savez ce truc qu'on voit juste ton cul, j'étais avec ça et ma perf qui remontait et ma perche. J'avance, je fais 3 mètres, je m'étale sur le sol parce que le sang était remonté et que bah, forcément l'injection n'avait pas fait effet. Donc je m'étale face contre terre, mon cul proéminent. Proéminent. Sur. Très beau. Sur, très à beau. La, oui, oui, oui, peut-être, mais frigonne. À la vue de tout le monde. Donc là, vraiment, ça, c'est assez malaisant. Et voilà, donc on est venu me récupérer, me relever. J'ai pas fait ça, j'ai pas fait de radio. Et je suis reparti. Plus mal que je ne suis arrivé. Et voilà, c'était la fin de mon histoire médicale. Oh, c'est faux. Et c'est totalement faux. Non, c'est totalement vrai. Et ah oui, j'étais à 6 km de chez moi et ils m'ont juste dit bonne journée. J'ai dû rentrer en stop. Voilà. C'était une super journée ce moment. Ouais, voilà. C'était, donc du coup, je suis plus jamais à l'hôpital après. Parce que ah, moi, j'y suis jamais allée de ma vie. Ah, bah, génial. Et ma première fois, ça va être. Bah, j'espère que ça ne viendra pas entre. Mais que je vais me faire opérer de la myopie et ce sera ma toute première expérience de l'hôpital. Et ouais, voilà, j'ai un peu peur. Peut-être si je le veux dans un an et quelques. S'il n'y a pas de complications. Il y a Amixem, je crois, qui a mis une vidéo en ligne de son opération des yeux. Ouais. C'est assez horrible à regarder. Ça dure quoi, une demi-heure, je crois. Ouais, mais j'évite en vrai. Mais en fait, pendant ces opérations, il y a des caméras, tu sais, qui filment. Ouais, mais je sais comment ça se passe. Ouais. J'ai pas envie d'y penser. Mais... C'est assez horrible. Moi, déjà, étant sensible des aiguilles et des yeux, genre, j'aime pas. Les gens, vous savez, les gens au collège qui faisaient. Ah je te dérange peut-être. On lit les. On lit les trucs. Quelqu'un a une histoire ou. Bah, non, enfin moi après effectivement vous avez jamais eu de problème. Moi par exemple j'ai déjà eu un. Oh c'est un peu tôt pour en parler. On verra plus tard. Attends, du coup. Attends, t'as le scroll inversé, je sais, c'est pas Delno, c'est génial. Tu veux qu'il y ait un malaise vagal? Oui, au bord du malaise vagal. Comment on fait pour t'épouser? Faut offrir des fleurs, pour épouser les filles. J'adore les fleurs. Merci. Ça parle de comment m'épouser. Ouais, mais... Vous êtes tous bofs, sauf un lapis, peut-être à demain. Sympa. Très c'est pas gentil de dire qu'on est bof. Hein, ouais. Je passe à l'ECV demain. Super. D'accord. C'est pas très très gentil. Je pense qu'on a. On a d'autres anecdotes médicales ou... On passe à la suite. Moi, je suis jamais malade. Je suis jamais malade. Vous êtes jamais malade. Même à votre médecin ou quoi, il y avait jamais eu des moments gênants où, genre, en mode vous êtes à moitié à poil ou. Parce que, genre, non, pour les exercices. Normalement, je n'ai pas forcément à poil. Bah, si, mais tu sais, pour faire les exercices et tout. Moi, il y a un moment où dans le labo. Tu dois faire des tests pour les IST et tout, et que t'es dans un labo et que tu dois mettre un coton-tige dans la tuche et que tu dois tourner comme ça et tu sais pas quand est-ce qu'ils vont s'arrêter. Ah, c'est triste. Tourner les tournées. Très gênant, effectivement. J'ai un papillon dans l'oreille. Ah oui, mais Lisa, putain, elle a eu son papillon dans l'oreille. Ah, mais oui, bah oui. T'as incroyable cette histoire. Dommage que tu sois pas, mais tu viendras, Lisa, pour raconter ton histoire. Un papillon dans l'oreille. Mais en fait, dans la nuit, je peux me permettre de raconter un peu ce que je sais. Ah, ce serait trop bien. On peut l'inviter et elle peut parler. Ce serait trop bien en telle. Oh, on peut l'appeler. Mais non, mais ça va bugger. Ça va bugger. Ça va dégueulasse. Mais il faudrait faire un Discord la prochaine fois. Mais oui, ça fait un truc comme ça. Ouais. Mais vraiment, son histoire, elle est trop cool, Alisa. Et elle a gardé le papillon, je crois. En fait, Gomar, c'est trop bien. Elle a pas besoin d'anesthésie. Elle coûte pas cher, c'est parfait. J'ai pas besoin de coûter. Opération des dents de sagesse, je me suis évanouie avant qu'on me mette sous anesthésie. C'est ça. Ah. Nous savons déjà, on va en parler. Et c'est pas des lol. Paul, il me tue. Je peux te dire. Oui, ça me dégoûte. Lucas aussi, il est au bord du malaise. C'est Jules. Jules. Ah oui, je vois. Non, désolé, Jules, je ne répondrai pas. Ah, mais il y a Jules. Ah, mais c'est Jules. Je ne sais pas qui est, mais plus tard. Lucas, il est au bord du malaise aussi. Paul, je t'ai pas tout jeté. Ah non, je l'ai gardé, ma mère l'a jeté depuis. C'est trop dommage que tu l'aies jeté. Bref. Ouais, la suite. Vas-y. La suite. C'est vas-y, parti vas-y. Pour la suite. Générique. Tu voulais que je raconte l'histoire de rapidement. Oui, oui, très rapidement. En 3 minutes, tu sais le faire. Une fois, on s'était caché derrière des arbres. À chaque fois qu'il y avait des gens qui passaient, on faisait bouh. Le mec, il s'est retrouvé par terre, les moustaches en croix sur le carreau. Il a failli souffler son gaz. Hein. Un poil, on l'est. Donnez une note sur 10 sur ce générique maintenant. Je suis désolé, j'étais en train de parler avec. Moi je donne. Je donne 4 sur 5. 4 sur 5. C'est gentil. 4 sur 5 ouais. On a travaillé que les sons long, pour l'instant. Un peu long. Faut de l'image là, moi je. Non, mais les images on n'a pas eu le temps. Ouais, on a pas le temps. On a juste fait les sons pour l'instant. Il y aura les images pour les prochains épisodes. On est tous campagnards ici ou quoi? 12 sur 10. Ah, c'est gentil ça. 75-00. Non, mais Lucas il s'est pris pour un Parisien. Le mec il roule en compagnon là, je sais pas quoi. Non, mais justement, Lucas, j'aimerais vraiment que tu viennes sur Bordeaux, s'il te plaît. Mec. C'est le but de l'émission, c'est de dire qu'on a un vécu un peu campagnard. Voilà, et c'est ça. Parce que souvent, les émissions comme ça, bah, ils parlent de leur vécu, de leurs histoires qui sont un peu parisiennes. Ouais. Alors que nous. J'en ai une, putain. Bon, tu sais que j'ai cherché vraiment depuis 48 heures, je cherche une anecdote de campagnard. J'en ai une, elle est folle. Tu veux commencer ou... Non. Okay. Parce que j'ai déjà trop parlé ce soir. Commence. Ouais. Du coup, premier thème, c'est sur les fêtes de village. Moi, je vais raconter une petite histoire dans la fête de mon petit village, de Jouy-le-Potier, un petit village de 1700 habitants. C'est d'ailleurs, cool, tu ça. As une terre de Jouy-le-Potier magnifique. C'est énorme, 1700 habitants. Les meufs, dites combien vous avez dans vos villages, c'est pas... Ouais, dites le nombre d'habitants de vos villages. Si vous aussi, vous avez des personnes qui habitent dans le village, dites-le dans les commentaires. C'est ça, n'hésitez pas à mettre votre com. Donc voilà, donc, Jouy-le-Potier, chaque année, il y a les Brandons. Les Brandons, qu'est-ce que c'est? C'est pour enterrer monsieur et madame Hiver. Donc le but, c'est de faire un parcours, un chemin à pied. On suit un char qui a été fait par une association où ils ont mis des fleurs et sur un thème. What the fuck? On est tous déguisés dans le thème. Par exemple, c'est les thèmes pirates. Mais quoi? On suit le char. C'est fait du village, ça? On sait pas vraiment, on l'a trouvé dans un coin. Il vient de Jouy-le-Potier, c'est un petit village près d'Orléans. Très sympa. Jouy-le-Potier. Voilà. Aucun rapport avec l'orgasme, mais un rapport avec le pot, par contre. Oui, non, parce que ouais. C'est une ancienne ville de poterie où il y a de la poterie. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. J'étais enseigné en plus. C'est très argileux. Argileux, ouais, comme terre. Ouais. 400, bon. Margot, 900. T'as fini ton anecdote? Mais non. Ah bah voilà. Je disais les trucs, alors moi j'arrête. Donc je continue. Donc cette fête de village. Déguisé on suit le char, on est déguisé. Donc là par exemple, cette année-là, c'était le thème les pirates. Et donc moi, avec mes potes, on avait fait un char nous-mêmes. T'as quel âge? Du coup. Là. Je sais pas, j'avais 18, 12 ans. Même pas 12 ans. 11, je sais pas trop. En vrai, genre, qui ne rêve pas d'avoir ce genre de truc dans sa ville, quoi. Enfin, mais c'est génial. Mais c'est énorme. Et du coup, on avait créé notre char, donc on avait pris un Manitou, donc c'est une espèce de petit truc à deux roues de papa là, pour déplacer des petites choses assez lourdes. Mm-hmm. Et du coup, on avait pris ça, on avait mis des roues en plus pour pouvoir le pousser. Ouais. Et autour, on avait fait une carcasse avec des cartons pour faire comme si c'était un bateau en bois, comme si c'était notre barque. Du coup, on était déguisés en pirates. Du coup, on fait tout le parcours en suivant ce char et après on arrive à l'étang du village. Dis-moi, vous suivez quoi? Un char. Ah, j'ai repris un char depuis tout à l'heure. C'est vachement aléatoire parce qu'il a un char. Mais vous êtes beaucoup à faire ce truc-là? Ouais, mais c'est le truc du village, toi, donc. Vous êtes une cinquantaine? 200 peut-être. 200 200 connards habillés en pirates qui suivent un char. Ouais, c'est incroyable. C'est un beau char et tout. C'est incroyable. Quand je dis char, c'est les trucs qui sont. Je sais ce que c'est, un char. Oui, de pas carnaval, pas de, ouais, de carnaval, pas de militaire. Oui, mais okay. Elle savait. Non, mais c'est pas parce que. Peut-être que c'était pas clair. Et donc, on suit ce char et on finit à l'étang qui s'appelle l'étang de Vignel, où il y a une grosse structure avec plein de bois, pour faire un feu de cheminée. Ah, ouais, vas-y, remplis. On va dire que la braguette est ouverte. Il a voulu être 100% discret. Et Gomard, oui, il fait du. Non, pas du tout. T'as pas fait de poterie du coup dans ta vie. Ça n'a aucun rapport avec ta. Si, il y a chaque année un événement de poterie, mais j'en ai pas fait. Voilà. Effectivement. Et donc, à la fin, on se retrouve. Il y a un gros feu et on brûle monsieur et madame Hiver, donc c'est des personnes empaillées. C'est des personnes réelles, quoi. C'est le pire voisin. Ouais, c'est comme un carnaval, mais c'est pour brûler monsieur et madame Hiver. Et une fois que c'était. Et pendant que c'était en train de brûler, nous avec nos potes, on est un peu thug et du coup on se baladait autour de l'étang. Et là on voit un poisson à la surface et on dit oh purée, trop bien, on a même pas besoin de canne à pêche, on peut le récupérer. Du coup on essaye de le rapprocher de nous avec un bâton. Il y a Lucas qui a dit il y a 30 minutes, on entend rien. Ah, bah s'ils répondent, ils entendent. Hein. Ouais, de ouf. Montez le son de vos enceintes, là. Ok, pardon. Donc, je continue. Donc, on voit ce petit poisson, là, dans l'étang. Donc, on essaye de l'attraper avec un bout de bois et tout. On avait un peu peur. Il est à la surface. Et là, à la fin, j'ai un pote, le plus courageux d'entre nous, qui arrive, qui le chope par sa queue. Et il le soulève comme ça. Et là, il y a tous les boyaux tout qui sortent. Ah et ça puait la mort. C'était et après, mon pote, on l'a esquivé toute la journée. Ça puait, c'était horrible. Attends, c'était un poisson, mais il bougeait pas. Ouais, il était à la surface. Ah, mais il est mort. Et nous, on était en mode putain, trop bien. On n'avait pas besoin de pêcher. On pouvait le récupérer avec un bout de bois. Vous avez pêché chaud. Et là, clac, il le prend et blablabla. Tous les boyaux qui sortent. C'était. Lisa Thomas, tu es single. Il y en a qui essaient de la choper. Ça me fait. Charot, Lisa répond lui, il est désespéré. Cela suit cela. C'est quoi les verres? Non, mais c'est bien. C'est bien. Salaud. Merci. C'est très drôle. C'est très drôle. Ça m'a beaucoup plu. Je la connaissais pas parce que c'est vrai que je les connais quasiment toutes tes anecdotes. Si vous avez des. De fêtes de village. De fêtes de village, ouais. T'as pas? J'en ai une. Oui, moi j'en ai une. Putain! Mais vas-y, pardon. C'est bon, tu m'as saoulé. Un jour, on était dans nos fêtes de village, donc à Gouze. Et en fait. Combien d'habitants? Bah, à Gouze ou. À Gouze. Je sais pas à Gouze parce que c'est pas mon village. Mais sérieusement à peu près. Donc, Mathilde, pour nous dire, je sais pas, 500, un truc comme. Même pas moins. Il y a quoi? Est-ce qu'il y a un franc prix? Non. Ah, ok. Bah, 500. Il y a même pas de boulangerie. Tu viens, tu vois. Il y a pas franc prix, déjà nous, c'est. T'as les Vival, Vival, ouais, à la limite. Alors, Et il faut savoir qu'en la salle des fêtes, où on faisait la fête, donc c'était en journée là, il y a l'autoroute qui passe juste à côté. Donc voilà, un peu en hauteur, il y a l'autoroute. Et en fait là, il y a une voiture qui s'arrête sur le bas-côté et la voiture prend feu. Donc vraiment littéralement au-dessus de... Comment dire, il y a une butte en terre, l'autoroute, et vraiment la voiture prend feu. Il m'écoute absolument pas, il m'a découvert. Pardon. Mais... La voiture prend feu, et en fait, les pauvres, la voiture, je sais pas, il y avait un problème, elle venait de... d'exploser. Ils avaient juste eu le temps de sortir, prendre 2-3 affaires. Et en fait, ils étaient en bande d'arrêt d'urgence, et nous, on était en train de faire la fête avec tous un verre à la main, genre, enfin, moi non, j'avais 12 ans, mais, ou même 9. Je pense que j'étais jeune, j'avais plus 8-9 ans. Et du coup, les pauvres, du coup, on les a recueillis, on les a aidés à appeler les secours et tout. Et du coup, on les a invités à boire un verre, mais genre, ils disaient, what the fuck, on vient d'avoir un accident, on est au bout de notre vie, il y a des connards en train de faire la fête. Et c'était archi drôle, les pauvres. Mais du coup, ils sont sur l'autoroute et tu peux accéder à la salle. Ouais, je sais pas comment expliquer comment c'était foutu, mais. T'avais vu sur l'autoroute ? Ouais, en fait, non. Eux, ils avaient vu sur nous, en fait. Nous, on était en contrebas. L'autoroute était en contrebas. Du coup, ils ont escaladé des trucs pour venir. Ouais, il y a juste la bande d'arrêt d'urgence, la petite butte à descendre, et on était à la fête. Archi drôle. Mais moi j'ai une question, c'est que est-ce qu'il y a eu une suite, est-ce qu'ils ont repris un coup? J'en ai aucune idée, j'étais jeune, après je suis partie jouer avec mes enfants, avec mes copains. C'est incrusté à la soirée. Mais ils sont un peu incrustés, mais après bon, je pense qu'ils ont dû régler quelques soucis. Bah ouais, ils ont dû appeler. Mais c'est qu'apparemment ils devaient aller à la plage, je crois. Quelle était la question? Non mais je pense qu'ils font un rapat avec un vlog ou d'homme dans les plus brefs délais, quoi. Ouais. Désolé Farnag, il n'y avait pas le budget de ce que j'ai compris. Pourquoi? Pour Minecraft. Pas le budget. Désolé. Ouais, prochain. On a joué le week-end dernier, on a joué, comment on appelle ça? Le quand tu devines des mots, là, vite. Mais finis-moi. On a joué Time's Up et j'ai deviné Minecraft. Oh. Je crois que c'est. On te rien. Merci la musique. Anecdote, ouais, Time's Up. Ah yes. Tu me demandes, j'en ai une. Alors, moi, la mienne, elle est un peu horrible pour la protection animale. Je suis désolé pour les défenseurs de cette cause. Oh, j'en suis un. Les défenseurs. Non, mais en vrai, c'est vraiment un concours de circonstances. Il n'y a pas eu de violence volontaire, en tout cas. Donc, j'étais en Bretagne. C'était ma campagne natale, quoi. Mais c'est très bon. C'était vachement bon. Ça se termine par un repas. Bref, je vous en passe l'anecdote. Donc, on est en Bretagne, dans le village. Faut savoir que la maison est vraiment isolée. Et il y a juste une route qui permet d'aller à cette maison qui est bordée par des bois, des bosquets et des petites forêts. Bon, c'est des bois quoi. Et il y a. Comment ça s'appelle comment elle s'appelle? Si, c'est la femme de mon parrain qui habite dans la même rue que nous, quelques centaines de mètres plus haut, qui est rentrée en voiture pour venir nous voir et en. Oh non, qui descendait à la plage pour. Qui est passée devant chez nous. Et avant d'arriver devant chez nous, elle a tapé dans un chevreuil. Ok? Donc. Pas de bol quoi, le chevreuil déboulait de du bois, elle se l'est mangé. Genre vraiment, ouais, ça arrive, ça arrive, tu vois, c'est les animaux sauvages qui déboulent, tu peux pas prévoir. Et elle a réagi de manière plus ou moins logique, c'est qu'elle a flippé, donc elle a boum, et comme elle a fait un délit de fuite sur chevreuil. Un chevreuil quoi, vraiment. Donc, elle a paniqué, ouais. Elle a paniqué. Ouais. Apparemment, Claudia, tu vas bientôt être mariée. Je tiens à préciser. Oh, avec qui? Mac Joe qui va. Ah non, pourquoi? Non, je veux pas l'engagement, je veux me marier moi. Ah, désolé, non. Mac Joe. Je vais mettre les des enfants, mais. Il a, non, mais il a demandé. Et toi, Gomer, et tu oui, m'as. Il a demandé à tout le monde. Et tu prises, elle a dit oui, je suis presque mariée des autres. J'ai vu. Et. Non, je vais bientôt. Oh là là. Mais t'es dehors. Claudia, tu as l'occasion. Non. MC Pétard. Ah oui, c'est aussi un MC Pétard. Il a vraiment trop de surnoms, ce type. Qui ça? Kevin. Mac Joe, qui est Kevin, qui est Chips, qui est Roya, qui est MC Pétard. Attends, mais il change de nom à chaque fois. Franchement, on respecte la gente féminine, s'il vous plaît. Oui. Merci. Déjà qu'on ne respecte pas les animaux, alors si au moins... Délit de suite. Chips! Il est pas cool. Chips, bah ouais, mec. C'est Lucas qui t'appelle Chips, mec. Moi, je vais que répéter. C'est pas celui qui avait bouffé un McDo une fois et je l'avais vu et tout. Moi j'ai vu ton cuisse tellement de fois. Ah ouais, c'est vrai, moi aussi, hein. Mais alors que je te connais pas, mais ouais, c'est dégueulasse. Moi non plus. Enfin, c'est pas, cul, il est pas dégueulasse, mais. On le connaît. On veut pas le voir quand. Coucou Louise. Qui est Louise? Bonsoir, vous êtes beau, bonne année. Merci. Hein, tu es très bon cul. MDR. Oui, ton cul. Ouais, ton bon boule. Je suis désolée. C'est quoi? Bah, parle-en avec Lucas Toast. Réglez vos problèmes avec privé, avec le toast. Parlons avec le toast parce que là c'était. Petit toast à la crème. Bon, je peux finir mon histoire là? Oui, mais oui! Bon, elle a poqué un chevreuil dès les fuites. Instantanément, dès les fuites. Il n'y a pas de policier. Elle a paniqué, ouais. Elle a paniqué. Elle se barre. Et là, mon père entre en scène, qui lui revenait de la pêche. Très breton. Chasse sous-marine. quand même plus stylé. Il rentre donc avec un voiture de type SUV familial, ça, tu peux tout mettre dedans. Il voit le chevreuil, clac, il fout le chevreuil dans le coffre, il check même pas s'il est vivant, s'il il était est mort. Il était pas au courant, enfin, il avait non, non, il avait, en fait je pense que c'est vraiment la voiture qui passait derrière, tu vois. Genre d'accord. Il y a la femme de mon parrain qui poque le chevreuil. Elle se barre, et mon père arrive derrière, il voit le chevreuil, il fait un droite-gauche, il regarde derrière, personne, il embarque le chevreuil. Ça s'embrouille. Oh, ça merde. Mais non, mais ça s'embrouille que dalle. C'est un jeu de mime, qui veut des dossiers. Oh non, c'est nul. Bon, allez, moi j'ai un fond là. Ah ouais, ouais, en plus. Le chevreuil dans le corps. Du coup, il était pas au courant que c'était une personne qui était. C'était vraiment. C'est la famille quoi. Voilà, c'est vraiment la famille proche qui vient de le poker quoi. Je veux dire, c'est un petit village, mais bon, tout le monde se connaît pas non plus quoi. On fait gaffe sur les télés. Juste, c'est pas bien, je peux dire ça. Non, ouais, de ouf. On respecte tout le monde. Cindy du 33. Des fois. Touche pas à PV. De ouf, c'est méchant. Le chevreuil dans le camion. Il fout le chevreuil dans le X-Trail pour les connaisseurs. Oh. Et il arrive à la maison, il fait putain, énorme. Je. Bon, pas avec cette voix. Oh putain, énorme. Le gros beau. J'imagine que c'était cette voix. Il a fait avec cette putain, voix. Énorme. Je prends un chevreuil, je l'ai embarqué. On va le manger, tout cru. Et on sait pas, on a jamais. On a pas de chasseur dans la famille, tu vois, on sait pas dépecer, on sait rien en faire, tu vois, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse. Heureusement, coup de bol, il y avait mon beauf, donc là c'est pas un beauf, c'est mon beau-frère, qui était dans le coin et qui lui a vécu à la ferme très longtemps, avec des animaux, tout ça, il sait faire. Du coup, on embarque le chevreuil, on l'accroche à un arbre, on le pend par les pattes, voilà, et après, bon, on fait ce qui s'ensuit, c'est pas ouf quoi. Dans l'histoire, ce qui est énorme, c'est qu'on s'est dit, bon écoutez les enfants, enfin on s'est dit, mon père a dit, bon écoutez, on dit rien, ok, on dit rien. Le lendemain, qui c'est qui vient manger à la maison, tu vois? Le parrain, ta gueule, non mais qui c'est qui vient? Le parrain et la femme, donc, forcément de mon parrain. Qu'est-ce qu'on va manger à ce repas? Écoutez, c'est énorme. Genre... Willem, raconte la fois que tu t'es fait enculer, mais par Léopold chaque jour? Pas aujourd'hui. Du coup, on bouffait ce chevreuil en plat principal. Et donc, quand ils ont demandé, tiens, c'est bon, c'est quoi? On a dit donc du chevreuil, ils ont fait, oh, faut que je vous raconte. J'ai poqué un chevreuil l'avant-veille, quoi. Et mon père, on n'a rien tenu, tu vois. On s'est pissé dessus, vraiment. Et elle comprenait pas parce qu'elle était encore paniquée en mode, j'ai dit à personne et tout, j'espère qu'il va rien se passer de grave et tout. Et voilà, donc. Pour le grave était passé. En fait, ouais, le grave était passé, mais en gros, elle espère qu'elle va pas être mal vue ou quoi. Et ouais. Finalement, bah non, c'est nous les connards. Ouais, c'est très bon, l'a embarqué, on l'a dépecé, ouais. On l'a mangé, tu vois. Donc bon, mais elle était pas en mode oh, c'est horrible, en fait, j'en mange. Non, elle a dit, il est très bon. Il dit, attends, je l'ai pas raté, hein, le salaud. Il m'est arrivé la même, dit Margot. Oh, c'est pas vrai. Il aime raconter nanana. Bon, Cindy, super intéressant en vrai. Merci Cindy du 33. Je vais vous quitter vraiment 3 secondes et demie. T'as fait pipi? T'as fait pipi? Oui. À tout à l'heure. J'ai beaucoup de pâté. Ouais, bah ouais. Je sais pas si c'est du marque-repère, donc on a. Thibaut, t'as une petite histoire de fête de village ou de chevreuil? Malheureusement, non. Moi j'étais dans le sud-est et les fêtes de village, c'était pas la même chose que dans le sud-ouest. Hein. Mais y'en a pas? Non, c'est très calme. C'est que nous, c'est juste une fête foraine. Genre, tu vas quand t'as. Mais y a pas des... 10 ans et c'est. Sérieux? Ouais, c'est juste. Des fois, il y a des endroits dans le sud-est. Non, mais après, en vrai, t'as les férias de. Oui, oui. Férias, mais personnellement, j'étais trop petit quand j'y étais. Et après, quand j'ai déménagé. Je n'avais pas une petite fête, un thème ou un truc comme ça. Parce que... Ah, désolé, Lucas, je me rapproche. Mais non, désolé, moi, je niveau fête de campagne. Je suis un campagnard. Même pas fête, tu vois, genre juste des événements qui peuvent arriver que quand t'es à la campagne, tu vois. Ça trop, enfin, je veux dire, faire des batailles de pommes pourries, aller te paumer dans la forêt. Voilà, ça veut dire dans le truc que tu penses que c'est normal, c'est pas normal, tu vois. Ouais, non, je savais que c'était pas normal. Je sais pas, est-ce qu'elle a des cagettes de pommes vides en sachant que tu risques de crever? C'est très lié aux pommes, quoi. C'est ça, ouais, il y a beaucoup de pommes. J'habitais, il y avait des champs de pommes autour de chez moi. Donc forcément. J'entends. Non, franchement, c'était très cool. Ça amusait à essayer. Tu as une enfance heureuse? Très. C'est génial alors. Très. En vrai, c'était super bien. Enfin, vraiment, la campagne était super bien. Ouais, bah, trop bien. C'est beau. Nouveau thème. T'as une petite anecdote? Bah, sur la fête de village, non, mais après t'avais. Bah, non, mais moi, c'est pas sur la fête de village, en fait, c'est vraiment sur la campagne. T'as des trucs de malaise et tout, non? Après, je peux t'en sortir. Oui. Malaise de quoi? De docteur? Non, mais en histoire, en anecdote, je sais pas. Ah, non, j'ai une autre anecdote, mais je la garde. Ça y est, on okay. A perdu. Elle mérite d'être racontée une autre fois, parce qu'elle dure longtemps. Okay. Bon, alors, cette petite danse de la part de Claudia vous a-t-elle plu? Totalement. Oh là là, c'est gênant. Noté c'est sur 10. Je vais me retrouver sur je ne sais quel réseau là. Je vais te devenir un mème. Allez, ça part, je t'envoie mon snap, le gars, il est trop chien. Ah ouais, ouais, genre. Non, mais sans déconner. Si, mais Jules, c'est qui du coup? Déjà, c'est pas lequel c'est. Mais c'est peut-être Mac Joe, non? Parce que c'est peut-être Anaïs qui est derrière aussi, tu vois. Ah, il était pas là au début, Jules. Il a pas steak comme fruit. Pardon. T'as roté? J'ai surprise, il a pas steak comme fruit. Putain. Ah, le ok. Thibaut, t'es loin du micro. Oui, je sais, je me suis rapproché. Ouais, j'ai dit. Thème suivant, on a encore des thèmes? Ouais, mais oui, moi j'en ai encore un que j'ai pas dit. Hein. Vas-y, mais on a encore des jingles ou pas? Non, on a plus de jingles. Ah, j'ai eu peur. Ah, bon, on avait parlé. Tu voulais pas parler d'un truc qui nous avait plu récemment quand on avait consommé? Si, c'est les recommandations. Alors, là, c'est la peinture, on n'a pas mis de jingle pour les recommandations. On aurait dû faire une jingle. On a plus le temps. Ouais, c'est vrai qu'on a plus le temps. Bah, du coup, c'est les recommandations, les choses qui nous ont marqué. Putain, mais sans déconner, ça se ressent. Arrête de réagir là, arrête de réagir. C'est plus intéressant toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, j'avoue. On réagit après. Mais déjà, petite recommandation. Donc, la recommandation, pour résumer, c'est tout simplement quelque chose, une œuvre ou un artiste, ou une artiste, attention, qui nous a marqué, mais qui n'est pas forcément connu. Arrête, c'est gênant. Ah, connu ou pas? Surtout, ouais, je pense que ça se voit. Ouais, c'est un truc qui nous a marqué dans ces dernières semaines, dans l'année 2019. C'est ça. Comme ça. Ouais, pour faire découvrir quelqu'un ou quelque chose, quoi, c'est ça? Claudia, tu commences. Ouh là là. Je te sens bien partie. Moi, je voulais parler, pas forcément d'une œuvre précise, mais je voulais parler de la série You. Et à quel point je me suis rendu compte qu'on pouvait être empathique envers un psychopathe. Et je trouve ça fou. J'ai une anecdote. T'es empathique envers lui? Non, mais meuf, de ouf. Mais meuf. Allez, réfléchis. Vas-y, dis. L'anecdote, c'est que vraiment, ça, c'est sur les stories Snap qui défilent. J'ai vu un fact sur lui, tu vois. Genre, ça m'intéresse pas, j'ai jamais vu la série, je pense pas la regarder. Mais. L'acteur disait qu'il avait détesté jouer ce rôle du fait que non seulement il ne se retrouvait pas du tout dedans, mais aussi que forcément ça créait des fois de la haine envers les spectateurs et que du coup il prenait la haine des spectateurs Alors que du coup c'est un acteur quoi. C'est comme genre, je sais plus qui, le gars qui jouait dans Game of Thrones là, qui un spoil. Bref, déjà Game of Thrones. Non mais tu sais qu'il y a une fois, il y a un mec qui ressemble Drago à Drago Malfoy aussi là. Un mec qui ressemble à Seb Lafrit. Donc il a fait un compte sur ça et tout. Ouais. Mais il y a un mec qui jouait dans un film nazi, il jouait un nazi et tout le monde a incendié Seb Lafrit. Donc déjà le mec c'est un acteur. Non mais ils sont complètement tarés. Ils ont incendié le mauvais mec. J'ai la mais ils sont complètement fous. C'est trop con. Ils sont trop cons. Du coup voilà, donc c'est dommage pour cet acteur quand même. Mais pourtant il a signé. Après une fois que t'as signé le contrat, mon gars, tu c'est terminé. Et c'est marrant que tu t'as regardé la saison 2 du coup. Ouais, mais du coup justement pour ça, j'ai regardé et bon, je suis moins empathique que la saison 1 parce que la saison 1 je suis, enfin en fait je sais pas comment t'expliquer, mais vu qu'il fait il y a une voix off dans You où c'est lui qui parle et en fait vu que c'est lui qui parle, c'est comme si c'était avant que tu croyais, je sais pas comment dire. Oui, tu vois que son regard. Tu vois que son regard et en fait au début j'étais là oh, il est amoureux et tout, ah mais c'est bizarre quand même ce qu'il fait. Mais en fait je sais pas comment expliquer, mais ton cerveau il te retourne le cerveau. Et du coup j'avais vu une vidéo YouTube, et du coup c'est Clarinette que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est une fille qui fait des vidéos sur YouTube. Et, et du coup elle expliquait ce truc de... Donc tu conseilles Clarinette aussi? Ouais, je la conseille Clarinette. Tu conseilles You et Clarinette. Okay. Très bien. Paul la Clarinette. Tu veux pas me répondre? Ouais, c'est pas plus mal. Léopold dans l'ordre inversé. Ok. Moi recommandation, il y a une super série Canal+. Qui est aussi sur YouTube, Les Parasites. Ouais, bien joué. Et du coup, ça s'appelle L'Effondrement. Donc là, normalement, il y a l'épisode 3 qui vient de sortir cette semaine ou qui sort cette semaine. Donc il y a déjà les deux premiers épisodes qui sont sortis sur YouTube. Et sur Canal+, il y a tous les épisodes. Et c'est une super bonne série qui parle d'un truc qui peut faire un peu flipper. C'est de penser que peut-être dans les prochaines années, il y aura l'effondrement qui fera un désastre un peu partout. Est-ce que ce serait pas un peu comme Black Mirror? Mais avec moins de budget. Non. Ok. Parce que c'est pas lié à la technologie. Là, vraiment, oui. C'est... Bah après, c'est pas drôle. Tout non plus. Non, c'est pas très drôle. Mais ça fait flipper quoi. Ok. Et ça fait poser des questions et tout. Combien d'épisodes là sont sortis? Il y en a 3 sur YouTube et tous les épisodes sur Canal qui sont 8 épisodes de 20 minutes en plan séquence chaque épisode. Ouais, donc c'est ça qui est intéressant. J'ai entendu ça aussi. Et est-ce que, même étant adepte du plan séquence, tu trouves pas ça un peu chiant? Tu t'es vraiment à fond dedans, ils arrivent à bien le gérer et tout ou pas? Vu que c'est sur 20 minutes et en fait. Sur 20 minutes, c'est long. Qu'est-ce que ça s'appelle cette plan séquence? Quand tu cuts pas, tu fais pas de cut. Tu laisses la caméra tourner et tu suis l'action. Ouais, mais comme c'est de la survie, en fait, t'es à fond dans le truc et vraiment avoir du plan séquence, c'est. Parce que l'effondrement, on sait pas si ça va arriver. Peut-être qu'il y aura l'effondrement dans quelques années, mais on n'en est pas sûr. Et là, vraiment, tu te mets dans l'idée, ah, mais en fait, l'effondrement, c'est là et du coup, t'es à la caméra et t'as l'impression d'être un personnage en plus. Ouais. Et tu te dis, oh là là, comment on fait. Et du coup, par exemple, au début, c'est dans un magasin. Ouais. Du coup, t'es en mode, mais qu'est-ce que je prendrais dans t'as le magasin? T'as l'impression d'être à la première personne. Mais c'est ça, tu te dis, mais c'est quoi les produits nécessaires, les premières nécessités qu'il faut que je prenne dans le magasin? Il n'y a pas de musique, tout ça. Enfin, c'est vraiment tourné comme si tu y étais. Ça rend trop bien. Donc tu recommandes aussi les parasites quoi. Ouais. C'est bien. Tu veux recommander toujours ce que Léopold recommande. ils ont d'autres vidéos aussi qui sont sympas, donc vraiment ouais. Je recommande. En plus ça, ils commencent à prendre le fait qu'ils passent sur Canal. Oui, ils sont connus. C'est bien, c'est cool. Moi je vais recommander un artiste, c'est un photographe. C'est Yoann Terraza, que j'aime bien, qui n'est pas très connu, qui est aux alentours de 15-20 000, je crois, abonnés. Il est super intéressant parce qu'en fait, il s'intéresse à la psychologie de la photo. Alors, bien sûr, il est très quali dans ce qu'il fait, mais à côté de ça, il explique dans ses vidéos YouTube, en parallèle de ses photos Insta, déjà ses aventures, mais aussi comment on peut percevoir la photo quand vraiment la photographie, c'est sa raison de vivre, quoi. Vraiment, tu vois, il explique pourquoi il en fait. Et il est tellement passionné par ce qu'il fait et c'est tellement juste ce qu'il dit que ça transmet vachement bien l'attention, enfin, l'envie de se lancer, pas forcément dans la photo, mais dans ta passion, tu vois. Et il est très. Vraiment, il s'est vraiment touché, dire les mots justes pour vraiment bien décrire sa passion, en fait, tout simplement. Et, ouais, et j'ai eu la chance de le rencontrer. Yoann Terraza sur Instagram. Yoann, Yoann, et Terraza, je crois que c'est T-E-2-R-A-Z-A, un truc comme ça. Ok, je vais voir. Et c'est super cool, c'est super beau ce qu'il fait. D'ailleurs, il a un moyen de publication qui est très intéressant, vous verrez. Enfin, ouais, je sais pas si vous irez voir. Et voilà, j'aime beaucoup cette personne qui est très simple dans ce qu'il fait et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le suivent, mais du coup, qui est très intéressant. Voilà. Ça marche. Moi, je vais vous recommander Hierophante. Donc, c'est un musicien qui fait de l'électro et qui n'est pas très connu, qui a sorti son premier EP de l'année dernière, vers la fin de l'année. Donc, mais c'est toi? Non, calme-toi. Calme-toi. Je n'ai pas ces talents-là. Bien sûr. Tu devrais savoir. Et sur quelle plateforme, dis-nous? Tu vas l'avoir sur Spotify déjà, par exemple, tu vas l'avoir sur YouTube, toutes les plateformes de streaming habituelles pour de l'audio. C'est un petit artiste français qui a commencé cette année, qui a sorti son premier album et que je peux que recommander parce que c'est très cool. Très bien. Est-ce qu'il y a des concerts, des trucs comme ça ou... Je crois qu'il n'y en a pas encore fait. Tu peux redire le nom ou voir décoller? H-I-E-R-O-P-H-A-N-T-E, si je dis pas de conneries. Et au pire, on trouvera ça en étrange. Oui, mais je pense qu'on va peut-être créer un Discord et tout pour mettre les. Ouais, si jamais. Ça peut mal faire. Et d'ailleurs, pareil. C'est sur l'écran. Il y a un truc que tu nous avais dit de préparer aussi et qu'on n'a pas dit. C'est en bas à droite, les prénoms. C'était William Potter. C'était quoi ça? Les prénoms. Ah ouais! Ouais, on oublie des choses forcément, les aléas du direct. C'est ce que je t'ai dit. Les prénoms, ouais, c'est ça. Moi j'ai un truc à dire. Moi aussi. On va continuer. Allez, on repart sur des anecdotes, c'est reparti. Après, c'est fini. Les grandes aventures. C'est combien de temps le live là? 1h30. Oh là là. C'est extrêmement long. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. C'est clairement, on a mal, très mal géré le. Bref. Non, mais ça va. Moi, je passe une très bonne soirée. C'est le principal. Ouais, c'est marrant. Lui, t'es aux toilettes, ça va beaucoup mieux. Ouais, je vais mieux. Je me suis dit. T'étais pas bien tout à l'heure. Non, j'étais comme ça. Ouais. La dernière partie, avant de conclure, c'est. Une partie que je voulais aborder plus tôt, mais en gros c'était les moments un petit peu gênants qu'on a pu avoir avec des gens qu'on connaissait peut-être de visage ou pas du tout, mais qui eux nous connaissaient, et eux nous reconnaissaient, tu vois. Donc c'est l'oubli des prénoms ou tout simplement du visage des gens, quoi. Donc ça nous faisait, je pense, tous arriver d'oublier un prénom, mais vraiment ce moment de malaise où ils font « Ah salut toi !» et toi tu sais pas quoi répondre parce que t'as pas le prénom et du coup tu fais « Bah non, tu vois, tu sais pas. » Donc, tu veux raconter, Claudia, et je raconte moi après ou... Non, toi, raconte-moi, c'est différent. Moi, c'est super simple, hein, mais c'est juste que ce moment, personnellement, était incroyablement malaisant. Et je pense m'en être sorti, mais il a cramé, tu vois, que je ne l'avais pas reconnu. Vraiment, c'est terrible. Je suis parti, j'ai fait « Ah, ouais, j'ai pas dit son prénom, tu vois. Ouais. » Déjà, ça commence mal. Donc, c'était au marché. Quand marché tu croises quelqu'un, t'es pas obligé de dire son prénom aussi. Ouais, mais lui il m'a dit salut Willem, tu vois, et tout. Ah. Et j'ai reconnu par contre son visage, mais bon, bref. Désolé, je m'en souviens toujours pas de son prénom. Donc. La morale de l'histoire. Vraiment, ouais. Ça m'a servi de leçon. Du coup, c'était au marché donc de New York, ma ville. Tu peux te dire de New York. Ma ville d'études, entre guillemets, d'études d'adolescence. Donc, ce gars-là était dans mon collège-lycée. Et il était à un stand, donc un stand où il vendait enfin, des trucs et tout. Et donc je passe devant, et là il fait ah tiens, salut Willem. Je me retourne. Donc déjà, il avait bien sûr pris de la barbe, il avait un bonnet. Déjà de base, ça a été dur de reconnaître le visage, mais alors le prénom, pas du tout. Jamais je l'aurais eu. Du coup, il me fait ah, salut, ça va depuis le temps. Et j'ai eu, vous savez, ce moment de latence là, qui fait que tu phases. Ouais. Fais, qui est-ce ? Et il a dit, la phrase, il a dit tu te souviens pas de moi ? Et moi, bah si, évidemment. Et moi, bien sûr, en homme honnête, j'ai dit, bah si, sauf que si, et j'ai pas dit son prénom, j'ai dit, comment ça va depuis. Attends, j'ai dit cette phrase. Un truc du style, comment ça va depuis le temps, tu vois. Et c'était vide d'émotion, quoi. Il y avait pas de sincérité dans ce que je disais, c'était, mais le pauvre, enfin, et voilà, il est pas. Il a carrément compris que. Et ça m'a fait mal parce que j'en ai un super bon souvenir de cette personne. Alors, on n'était pas des grands amis, mais je me souviens qu'il était très gentil. Quoi. Il continue sa quête d'amour. Ah bon, chat. J'espère qu'il trouvera. T'auras peut-être d'autres épisodes pour revenir. Pour vous mettre en duo avec Paul là. C'est ça. Les deux là, en quête. Faites un live, les gars. Faites un live et échangez de choses. Ah ouais, parler d'amour. Sur Minecraft. Ouais, c'est ça. Sur Minecraft. Mais Kevin, il est à Paris. C'est pas grave. Tout ça à Paris. L'hégémonie parisienne. Les aventures provinciales. Ouais, c'est ouf. Il y a pas, j'avais fini, vous avez compris le principe, ouais. Mais c'était très, j'étais triste en fait, parce que vraiment je me disais putain, ça me fait de la peine quoi. Je sais qu'il a pas pris mal parce que c'était pas le genre de personne à le prendre mal, mais je sais 100% qu'il m'a cramé quoi. Et c'était trop dommage. Vraiment le. Après quand t'as parlé, tu te souvenais d'anecdotes que vous avez ensemble. Sinon ça passe, genre juste tu te rappelles pas de son prénom. Non, bah je me souvenais de nos établissements d'école, tu vois. Donc je disais ah ouais, tu fais quoi maintenant? J'irai direct tranquille sur des trucs que je ne savais pas, tu vois. Je savais pas. Donc en mode tu fais quoi? La deuxième partie de la discussion était vachement mieux, mais la première était vraiment pas agréable. Ouais, ça m'a fait du mal. Vraiment, j'étais triste. Ouais. Voilà, à toi. Moi ça m'est j'ai pas de souvenir où ça m'est vraiment marqué, mais moi j'ai toujours gardé en tête le truc de Bref, je sais pas si vous vous souvenez. Vas-y, je sais pas. Ils disent alors quand tu te souviens pas du prénom. Ah oui, t'as le cheminement dans ton cerveau. Non, tu demandes bon, c'est quoi déjà ton nom? Tu dis non, et ton le mec surnom. va dire son nom de famille, il fait non mais ton prénom. Ou alors l'inverse, tu vois, il va te dire son prénom et tu vas dire ah mais non, ton nom de famille. Et en fait du coup t'as les deux. Et le mec s'est pas rendu compte que t'avais oublié son nom. Et c'est Bref qui a inventé cette technique. Et du coup, je me suis toujours dit, putain, si jamais un jour ça m'arrive. Alors, c'est quoi? C'est genre, par exemple, tu dis salut, comment tu vas? Moi, je dis ah, salut, attends, dis-moi ton prénom. Et tu me donnes ton prénom, ton nom, je veux dire. C'est ça que... Non, c'est. Ça dépend de quoi tu te souviens, quoi tu te souviens pas, mais c'est. Non, mais son nom de famille, on s'en rend. Ouais, tu ne dis pas. Je peux dire, hé Garcia. Non, mais il va croire que. Ouais, tu dis, c'est quoi ton nom? Et il va dire son prénom, par exemple, Fabien. Ah, ok. Il fait, ah non, mais ton nom de famille, merde. Voilà. Ah, comme ouais, là, ok, bah il faut qu'il se trompe, parce que si tu tombes sur quelqu'un qui se trompe pas et qui dit ça, c'est quand même pas mal grillé, non? Tu dis la technique. C'était quoi déjà? Moi je me souviens. Je sais pas, c'est Bref qui m'a donné la technique, je sais pas ce qu'elle vaut, hein. J'ai jamais fait du coup. Ouais, moi c'était. J'avais pas d'idée, mais un truc qui ressemble, c'était dans le plan de ma show, quand c'est l'épisode où il se réveille après avoir couché avec une meuf, ils savent plus qui c'est. Mm-hmm. Ils disent comment ils t'appellent tes potes? C'est quoi ton surnom? Et il dit Nat. Ah, bah ça, Nathalie! Fait, non. Natacha, tu vois. Et bref, du coup, cette technique-là ne pourra jamais être employée, je pense. Mais celle-là, elle marche peut-être mieux. Peut-être. Allô, enfin, en vrai, quand t'es au fond du trou. Ah ouais, mais ouais, moi, j'étais déjà dedans et je m'étais enfoncé en disant, bah oui, bien sûr, je me souviens. Enfin bon, pour qui tu veux. Moi, pour le coup, c'est mon prof de philo de terminale que j'ai recroisé qui m'a lâché un grand smile et qui a tracé droit vers moi. Et il m'a dit, ah bonjour Thibaut, ça va depuis le temps, ça faisait 2 ans que je l'avais pas vu, un truc dans le genre. Et moi, par contre, j'ai été très honnête. Je dis bonjour, je sais que vous étiez mon prof de philo. Je me souviens plus de votre nom, je suis désolé. C'est bien. J'ai été très honnête avec lui. Ouais, je sais pas être honnête. Non plus, hein, dans ces conditions-là, j'aurais pas su être honnête. C'est trop dur. Je veux dire, je me sentirais trop mal. Non, en fait, je me sentirais pas mal qu'on oublie mon prénom. Ah oui, c'est. Ah putain, bah il marche. Il est quelle heure? 22h30. C'est l'heure d'aller se coucher. Merci. Bon, l'émission s'arrête ici. Ouais. Non, pourquoi vous regardez là alors qu'il faut regarder là? Ouais, parce qu'on a les retours cam. Faudrait mettre. Il faudrait mettre la caméra. Parce que tout à l'heure. Mais non, mais faut pas. Si on éteint, le chat disparaît pas, j'espère. Non, je peux tout lire. Oui, oui, oui. Parce que du coup, ils ont vu le chat. Mais est-ce que moi j'ai une question? Est-ce que sur Minecraft, t'inquiète. Ouais, voilà. Tu perds rien. Est-ce que les secondes où il t'a remarqué. Quoi? Ouais. Oui, où il t'a remarqué et où il est venu vers toi, c'était pas genre les secondes les plus stressante et lente de ta vie. Enfin, si, si, bah, c'est pour ça que j'ai ouais, dit. Ça a vraiment été, j'ai cherché. Non, mais je sais pas comment t'as fait. Moi, j'imagine trop marcher au ralenti et ton cerveau faire. C'est exactement ça. Alors là, on est dans la merde. Tu vois, ça, c'est moi. Moi, j'arrive vraiment, j'ai du mal à retenir. T'as pas besoin de te souvenir de son nom, en fait. Tu dis bonjour, monsieur. Vous allez bien, lycée? Non, on l'appelait toujours monsieur, machin. Ouais, mes profs de lycée, il y a peu de. Putain, mais moi je me souviens plus de tout mon collège que tout mon lycée. Tu vois, pareil. J'ai fait un blague, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est collège, c'est plus redondant. En fait. Non, mais surtout qu'au collège, tu venais d'entrer dans la vie étudiante où t'avais plusieurs professeurs. Donc tu te disais, oh trop bien, t'as quoi avec qui? Avec madame machin. Alors qu'avant, ouais, c'était un madame. Non, c'était monsieur machin. Alors qu'au lycée, on subissait. Peut-être que j'étais trop traumatisé par le lycée pour me souvenir. Alors qu'au lycée, c'était, oh j'ai encore l'autre connasse. C'est madame Anus, écoute, on va pas battre ça. Mais des fois, il y a eu des profs de maths. Madame Bonhomme. Je suis incapable de te dire qui j'ai eu comme prof de maths les 3 ans de lycée, quoi. Impossible, je sais pas qui j'ai. Ah ouais. Moi si, parce que j'ai eu un monsieur repère. Celui de Terminal. Moi j'ai eu monsieur gagné parce que c'est pas mal. Dessiner c'est gagné et après il y a monsieur machin. Donc comme ça c'est simple à retenir. Monsieur Gaspard et madame Solaire, que j'ai revu. Je sais même pas qui j'ai eu en maths là, je sais pas. Non. Il s'appelle comment le prof de philo du coup? Le prof de philo, je sais pas. C'est impossible. Je dirais voilà, je me souviens pas. Il t'a pas dit du coup? Bah non, écoute, je me dis, c'est pas grave. Tu crois quoi? Il t'a pas dit. En vrai, ce prof il était tellement en mode balai couille. Enfin, il nous expliquait qu'il venait de se branler le matin. Enfin, j'aurais sorti ça au début. Ah oui, il est vraiment balai bien fort. Je me souviens de vous, c'est vous qui vous branliez avant de venir. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui. Effectivement, ça se retient bien aussi le prof de maths qui s'appelle Monsieur Larègle. Ah oui, putain. Tu l'as vu toi? Non, c'est Lisa, mais j'ai jamais eu. C'est énorme. Ça se retient bien. Il y a des profs qui sont en raccord. Moi, j'ai maths honnière. Mais c'est mon collège, tu vois. Moi j'ai que des anecdotes de collège, je ne me souviens rien du lycée à part madame Mériot et madame Cazenave, tu vois. On avait monsieur Truc. Bah, c'est pareil, un classique. Mais... Moi j'ai eu un monsieur Truc aussi. Monsieur... Oh, c'est dur ça. J'adore. C'est dur. J'avais vu, je sais plus, un truc du style tellement vrai où il parlait aux prénoms, aux gens qui avaient des noms. Hein. Très compliqué. Ils disaient c'est pas trop dur. Ils font non. Bon, des fois quand même. Mais attends, mais il y a un truc. Une archive INA qu'on mettra une prochaine fois. Ah, ça devait être ça que j'ai vu. Et sur l'archive INA, justement, il s'amusait à regarder tous les noms dans les annuaires. Dans les annuaires de noms et après il les interviewait et c'était trop intéressant. Ah ouais. Genre les gens étaient en mode ouais, c'est vrai, j'avais ce nom là. Et puis enfin, par exemple, c'était des fans et elles font bah ouais, lui il avait ce nom là, genre je sais pas, il s'appelle Anus. Au début j'ai réfléchi et puis comme j'étais amoureuse, je me suis quand même mariée, je porte son nom maintenant. C'est du coup, elle s'appelle Madame Anus et tout, alors ouais. Qu'elle avait un nom plus stylé, tu vois. Et, j'ai le meilleur ami du coup du père de ma meilleure pote d'enfance dans Nina, il s'appelle Zizi. S'appelle Aziz. Ah ouais, Aziz, c'est pas drôle d'avoir mis Aziz en nom de en prénom. Ouais. Sachant que tu t'appelles Aziz, c'est hyper connu, mais, non, mais Aziz Zizi, ouais, c'est dur à avoir. Ouais. Mais en plus, du coup, ils l'assument tous dans la famille. Apparemment, enfin, moi, ce qu'on m'a dit, ils l'assument tous, très bien. Ok. Bah oui, il vaut mieux, parce que sinon tu vis mal. Hein. Ou alors sinon tu changes, mais c'est. Bah ouais, après, je pense que Zizi t'accepte de te le changer, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça. Oui, c'est une partie de ses noms, tu peux changer. Il y a quelqu'un qui a voulu appeler son enfant Zizi en. Là, j'ai un petit œuf et la mairie a refusé de l'appeler. Ouais, mais ouais, les mairies ont droit, forcément. Oui, je sais, mais voilà. Ils refusent, ouais. C'est comme si tu l'appelais Batman, tu vois. Ouais, enfin, tu peux pas appeler Léopold. Batman. Léopold, ouais. Ouais, d'ailleurs, j'ai écouté un podcast, ouais, Histoire de succès, de Fabrice Florent sur le créateur de Titeuf. C'était hyper intéressant, si ça vous intéresse, allez l'écouter. Oui. Histoire de succès, tu l'as écouté? Non, mais ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse. C'est vraiment trop, trop bien. Il t'explique que Titeuf, c'était pas du tout destiné à fonctionner. Louise a le droit de s'exprimer, la pauvre. Donc elle disait qu'elle avait une. C'est qui Louise? Qui arrive? Je sais pas, mais elle avait une poste donc qui s'appelait l'horrible ton. Donc l'horrible ton. Oh, moi j'ai Samy Trail. Trail, nom de famille. Ils nous ont appelé leur fils Samy. Samy Trail. C'est énorme. C'est énorme. Samy Trail. Ah mais ça, tu vois, ça c'est genre des trucs de gosse. Ouais, c'est ça. T'as perdu un enfant. Après ça va, c'est Samy. Ah, c'est terrible. Et c'est le un des collègues, enfin il travaille avec mon papa dans sa maison. Ah ouais, non, c'est pas de bol. J'ai eu un monsieur FDP. Non, vraiment. C'était un italien, c'était FDP. Mais sans les accents, tu faisais FDP. C'était juste ça, c'était que son prénom. Enfin, c'est Ferreira, je crois, Pereira. FDP. Espagnol aussi. Non, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a prénom-nom qui s'accordent pas très bien. Ah oui, espagnol, oui. J'ai dit quoi? Non, parce que. Ah, italien. Voilà. Ouais, mais c'était. Non, c'est vrai, je t'ai dit, il était espagnol aussi, tu sais. Ouais, je sais pas. Oui. Tu sais, en Espagne, tu peux avoir les deux noms. Ah, enfin, de tes parents, et du coup, il devait peut-être avoir un qui était FDP, qui était italien. Il y a quoi? C'était un cabinet d'avocats que je connaissais, qui s'appelait avant le cabinet Lassus Labitte, parce que c'est monsieur Philippe Lassus. Et Geneviève Labitte qui l'avait fondé. Et malheureusement, je viens de découvrir qu'ils ont changé de nom. Oh non. J'ai une anecdote. J'ai travaillé pendant 3 ans, chaque vacances scolaires, donc Noël et été, dans une banque. Et il y avait Quelle banque ? La LCL, c'est pas juste ma banque, mais Big Up, ils m'ont payé 3 étés, c'était bien. Et il y avait un mec sur... ça va, j'ai connu bien. Ouais, bah, acclimatisé un peu. Ouais, acclimatisé, les petits vieux qui sont gentils, soit d'autres moins gentils, bref. Il y avait un mec, sa signature officielle sur les prêts, tous les trucs vraiment banque, c'était un penny. Oh, vraiment, on est autorisé. Bah du coup, j'ai... Il était bien dessiné, moi, ou... Je sais pas. Moi, on m'a juste raconté, mais apparemment, sur tous les documents officiels de paraffé, nanana, penny. Comme il devient président, et tout, dans le même genre, aux États-Unis, il y en a un sur sa carte d'identité, quand il était jeune, il avait une dizaine d'années, il avait fait comme signature 3 têtes de chat. Oh, j'adore. Et en fait, il s'est retrouvé au moment où il a dû signer pour son crédit, où il a fait sa signature habituelle de quand il était adulte. Et on l'a dit non, mais il a dit non, c'est... vous faites là. Sur la carte d'identité. Les 3 têtes de chat. Donc il a dû paraffer toutes les pages avec 3 têtes de chat. J'adore. Ah, le seul. Mais ça, c'est un vrai problème. Hein, parce que moi, quand j'étais petit, tous les gens s'entraînaient à faire des signatures. Moi, je disais, bah, disons, je suis trop jeune, ça n'a aucun intérêt. Bah, non, je suis un merde. Et moi, un jour, j'étais à l'auto-école, ils m'ont dit, ouais, c'est pour que tu passes le code, tiens, signe le papier, c'est un autre papier officiel. Et j'étais en mode, j'ai pas de signature. J'ai fait la pire signature, alors c'est la première lettre de mon nom de famille. Et c'est. D. Et ma signature elle est nulle. Et c'est toujours ça, non? Et depuis c'est tout le temps ça, ouais. Parce que du coup, depuis après j'ai fait ma carte d'identité, du coup je fais. Bah oui! Ah bah mais vu que j'ai donné ça en officiel pour mon code, je vais devoir avoir ça. Moi j'ai et changé. Tout a enchaîné comme ça et. On est d'accord, alors tiens. Moi j'ai même problème avec les adresses mail par contre. Voilà. Oui, j'ai une question sur qui pourrait d'ailleurs rebondir sur le moment. Le truc qu'on pense que c'est vrai pour tout le monde, mais en fait c'est pas vrai pour tout le monde, je sais plus comment on l'a appelé. C'était normal pour moi. Moi, ma signature, c'est forcément mon nom de famille. Mais je sais que. Moi, c'est mon prénom. Voilà, beaucoup de gens, voire une majorité, c'est leur prénom. Ouais, c'est mon prénom. On est d'accord, mais je voulais savoir si. Moi, je pensais que c'était obligatoire de mettre ton nom de famille. Okay. Bah, tu fais ce que tu veux si t'as envie de faire une tête de chat en réalité. Parce que pour moi, c'était vraiment pour reconnaître la famille à laquelle tu appartenais. Et pour moi, les parents, c'était ça. Ouais, on comprend rien ce que j'ai écrit. Leur prénom et tout, il faut que ça soit lié au prénom plutôt qu'au prénom, ouais. Bah, mais je sais que ça m'est déjà arrivé, bah, il me semble que c'est mes potes là pendant les vacances qui m'ont dit ah tu me dis ton nom de famille, mais trop bizarre tu vois. Ah pas trop bizarre, c'est normal. Ouais, mais pour moi c'était la norme aussi. Le fait que tu sois surpris, je me suis dit ah bon. Ouais, moi c'est juste qu'on m'a dit. Moi je pense que moi j'avais demandé est-ce que c'est obligé de mettre le nom de famille, on me dit non, tu fais ce que tu veux, c'était obligatoire, Lisa aussi. Ben ouais, non, moi j'ai mon prénom. Bon, on comprend rien ce qu'il y a écrit. En fait, c'est comme forcément on se réfère à nos parents, tu vois. Si tu vois nos parents mettre leur nom de famille, tu te dis bah. Mais tu vois, mon père, c'est ses initiales. Mon père, c'est ses initiales. Il fait un T et un G comme ça en plein débrouillé. Ouais. Oui. Mais moi, quand j'étais à l'auto-école, j'ai vraiment hésité à faire la même signature que mon père parce que j'étais en mode putain, c'est la seule que je maîtrise. Ouais, ouais, toi aussi, tu reprends. Quand j'étais petit, dans mon carnet de liaison, mes parents m'avaient dit ouais, pour pas que tu te fasses engueuler, tu peux signer à notre place si on n'a pas eu le temps de le signer le soir d'avant. Et du coup, je maîtrisais la signature de mon père. Genre, tu sais, les mots qui te mettent dans le carnet au collège, genre oui, dites à vos parents qu'il y aura une réunion. Mais moi je faisais tout signer, j'étais vraiment putain de. Mais moi, je n'avais pas. En fait, ça a commencé moi le matin avant le cours où tu vois ta porte principale parce que bah, c'était en mode bah, tu te prends une heure de colle si tu l'as pas fait. Donc moi j'étais en mode bah, j'ai pas le choix, enfin, j'ai pas envie de me prendre une heure de colle pour ça. J'ai commencé à faire la signature. Mais moi en fait, c'est normal. Tu vois, j'oubliais où mes parents étaient pas là le soir. Et du coup, je ramenais et je me faisais engueuler. Si je sais plus, tu as une sanction, je sais plus quoi dans ton carnet. Mmh. Et mes parents font mais purée, mais t'es trop con, vas-y, signe à notre place. Mais je crois que je l'ai jamais fait, mais. Pas mal. Du coup, je m'étais entraîné juste à faire leur signature. Mais je crois que j'ai jamais fait. Je sais faire que celle de ma mère. Moi, voilà, la mienne, c'est celle de ma mère. Mais ouais, moi, je savais faire celle de ma mère. Maintenant, il est trop longtemps. Avez-vous déjà. Bah, toi, du coup, je connais ta réponse. Mais vraiment, signer pour quelque chose que vous ne vouliez pas avouer, type mot. J'ai toujours dit. Vous avez toujours dit, alors, dans le carnet. Moi j'ai toujours j'ai signé. J'ai l'autorisation, mais j'ai. Moi j'ai signé que pour la merde. Parce que moi je me suis toujours dit, dans tous les cas, il y aura une réunion parent-prof. Ah non, forcément, ça va revenir à un moment sur le tapis. Je me suis dit, en mode, bah voilà, j'ai un mot pour ça. Ah, il fallait pas signer, je vois, je me suis démarré. Ah, j'ai trop envie de repartir sur un sujet, mais on n'a pas le temps, dommage. Je vais parler des grosses injustices que vous avez pu avoir à l'école. Un prochain sujet. Ouais, mais forcément. Allez, on reviendra. Vous ne reviendrez pas vu qu'on vous a pas trop apprécié, mais c'est pas un problème. Vous pourrez regarder de. Sur votre écran. Il y a du monde. Bah, il y a sur la live, vas-y, en ligne. Parce que là, on n'est pas là depuis. N9, pas... c'est pas mal. Hein. Attends, on remonte depuis ce qu'on n'a pas lu, mais parce que. Actuellement, il y en a combien? 10 personnes en moyenne. Désolé pour qui est mieux, qui dit mieux? Bah, quoi, j'ai essayé une fois, puis j'ai mis du blanco et je suis allé dire à mes parents, je me suis fait trigger double fois. Oh, j'ai un truc. Oh non, j'ai un truc à raconter. J'ai ton truc à raconter. Mais Marco, il a trop kiffé le mi-temps. J'ai ton truc à raconter. Pas mal, Lisa, dans ce cas-là. Si elle sait toujours pas, c'est pas mal. Je me suis déjà fait une dispense de sport avec la signature de ma mère, elle s'est toujours pas bien joué. J'avoue. Alors, j'attends toujours les bails sur Lucas. Non, Flarnag, attention. On se calme. Lucas, il attend encore les bails sur Lucas et la vengeance de Kevin. Ils sont bien. Il est sur Fruit, nanana. React. Non, de la réforme des retraites. Ah, oui, ou React, oui. Bon, je propose qu'on lise les commentaires après, à la fin de ce live, parce qu'il est quand même tard. Il y a quelques commentaires. Et puis il y en a un qui a une heure de route. Mais t'inquiète pas, un peu chaud. Merci de me le rappeler, hein, tiens, j'avais oublié. Bah, mais c'est pour toi, frère. Un